Cette cité est gangrénée par le crime et les luttes de pouvoir. Alors que la pègre et les hommes politiques véreux ne cessent d'étendre leur pouvoir, certains essayent de faire leur place et d'améliorer leur quotidien dans une ville où la cruauté et la violence règnent en maître. Ce n'est pas chose aisée, et nombreux sont ceux qui finissent trois pieds sous terre ou en prison pour les plus chanceux. Sans oublier, bien sûr, la bête, l'ombre de Gotham, qui fait trembler même les plus puissants. Mythe ou réalité, nul ne sait. Serez-vous assez fou pour y entrer ? Bienvenue à Gotham. Cela doit bien faire quelques jours depuis votre repérage au bordel de la Maison Rouge de Chinatown. Entre-temps, Marcia, dont l'organisation, bien que modeste, ne cesse de grandir, devient de plus en plus sûre d'elle et commence déjà à voir son rêve devenir de plus en plus palpable. Alors que vous et d'autres hommes de main avez mis au point une stratégie pour l'offensive dans le but de voler la drogue de la mafia, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser au pire. Frost vous a prévenu qu'il ne pouvait pas retirer les gardes ou faire quoi que ce soit sans que cela ne semble suspect après coup. Vous allez donc avoir affaire à la sécurité optimum des lieux. Du côté de Frost, justement, son complot, ou plutôt votre complot, se porte à merveille. Avec la montée en puissance de Marcia, la triade et les Yakuza ont intégralement rejoint la mafia unie de Gotham City. Et votre future attaque de la Maison Rouge sera la confirmation de cette union. Il n'y a plus aucun adversaire de taille face à cette grande organisation criminelle, autre que celle de Marcia, une épine sous le pied d'un géant. Bientôt, il sera temps de passer à la seconde étape du plan, la prise de pouvoir. Pour le moment, vous vous trouvez dans une vieille maison miteuse, dans un des quartiers les plus pauvres de la ville, Old Gotham, ou le vieux Gotham. C'est ici, chose suggérée par un des associés de Marcia, que l'offensive de la Maison Rouge est à préparer, et c'est ici que la plupart des opérations futures seront discutées pour éviter une mauvaise surprise à l'hôtel Levantine, de votre patronne que vous adorez sûrement tous, je n'en doute pas. Vous pouvez dire. Moi j'avoue, j'aime beaucoup cette patronne. Elle est vraiment sympa. Ouais. Ouais, elle en s'y tire. Donc, vous êtes dans cette vieille maison. C'est le genre de baraque qui était sûrement bien à une époque, mais qui à présent est complètement défoncé. Il y a sûrement une pièce où il n'y a plus de toit. C'est le genre de truc de ce niveau-là. Histoire d'être un maximum discret. Et donc vous êtes dans le salon de cette maison, où vous êtes tous à présent. Vous avez été convoqué par Marcia. Marcia qui ne s'y trouve pas. Vous avez été accueilli par trois ou quatre autres hommes de main de Marcia, dont deux personnes que vous aviez déjà vues la dernière fois, qui accompagnaient Marcia dans son bureau. C'était les gros, les gros mecs, là, les genres de garde du corps. Hein. C'est ça, oui. Un type que vous savez qui s'appelle Frank, qui a l'air bien alcoolisé. Et un autre dont vous... Enfin, le nom... Non, vous ne connaissez pas son nom. Et c'est celui-là qui a un air un peu... fourbe. Ok. Donc vous êtes dans ce salon avec sur la table des plans qui ont été faits à la main, vite fait, grâce à votre repérage. Ça devrait apparaître dans peu de temps. Des petits plans donc du fameux bordel que vous allez bientôt devoir attaquer à la recherche de la drogue. Donc voilà. Donc à gauche, vous avez le rez-de-chaussée. Avec l'entrée, c'est au hall en bas. Vous avez les petites lignes d'escalier, tout ça. Et à droite, c'est l'étage. Donc ce sont les plans que vous avez là. Si vous avez une question par rapport au plan ou une interrogation, n'hésitez pas. La ligne rouge, elle signifie quoi? La ligne rouge, c'est juste la démarcation entre... Enfin, l'image entre l'image de rez-de-chaussée et l'image de l'étage. Ah, ok, d'accord. Okay, ah, oui. Voilà. Je pensais qu'on pouvait naviguer... Ok, ah. Parfait. Et donc, bien entendu, ceux qui est gris, c'est tout simplement ce qui peut être considéré comme la route, les ruelles, ce genre de choses. Et ouais, du coup, il y a une espèce de pièce dans laquelle on peut pas entrer, c'est ça? Enfin, la pièce blanche, là, tout en bas, à gauche. Ou c'est le bâtiment d'à côté? Oui, là où il n'y a pas de porte, c'est que c'est un autre bâtiment. Ok, ok. Ou alors c'est là, il y a la planque secrète. Hein. Pour emmener les C4 pour passer. Pour en parler. On va imaginer. Je précise bien entendu que, comme la dernière fois, vous aviez vu qu'il y avait plusieurs étages à cette maison rouge. Là, je n'ai fait qu'un seul étage, mais c'est parce qu'ils sont à peu près tous sur le même modèle. D'accord. Voilà, et donc pour indication, le tout petit escalier qu'il y a vers en haut, c'est l'escalier de secours qui va du rez-de-chaussée jusqu'à tout en haut. Celui-là par lequel vous étiez passé pour certains d'entre vous. Très bien, très bien. Personne n'a de questions par rapport au plan? Enfin, mis à part ce qui a déjà été demandé. Ça va, ça va. Oui, bah, okay. Pour l'instant, oui, c'est... Très bien. C'est clair. Donc, pour vous résumer ce qui a été prévu, et bien entendu, une fois que j'aurai fait le résumé, vous aurez le droit de contredire certaines choses ou de proposer quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, la stratégie qui a été mise au point entre vous et les autres gars qui sont présents, c'est qu'il ne va pas y avoir moyen de passer par les portes. Tout simplement parce que la sécurité... a l'air d'avoir été renforcé dernièrement, sûrement par rapport au fait qu'il y a un garde qui s'est engagé et qui soudainement a disparu le jour même. Ou ce genre de choses. Pas du tout. Et il prévoit donc de passer par un mur. Tout simplement, vous voyez au rez-de-chaussée, il y a une espèce de ruelle qui passe donc de la rue jusqu'à la cuisine, si vous voyez ce dont je veux parler. Vous voyez de laquelle je parle, et celle qui est entre le hall et le garage, quoi. Entre le hall et le garage, ouais. C'est ça, cette ruelle. Ils ont prévu tout simplement d'y stationner un véhicule et d'aller faire sauter le mur. Pour avoir directement accès à la cuisine, à l'entrepôt où se trouve la drogue et ce genre de choses. Mais alors, comment tu veux faire sauter le mur sans que ça attire l'attention de... La chose, ça va attirer l'attention, bien entendu. Bah oui. Mais c'est justement que c'est une attaque. Vous allez devoir être rapide et tout ce genre de choses. Parce que sinon, il aurait bien pu voir s'il y a pas, on peut pas avoir un système de... Bon, après, ça c'est le cambrioleur qui parle, hein. Mais circulaire qui puisse découper le mur, quoi. Donc faire le moins de bruit possible, en fait. Ça dépend des modèles. Il y en a qui font pas de bruit. Oui, c'est vrai que généralement une scie circulaire, ça va. C'est comme une tronçonneuse. Oui, avec un système hydraulique, ça fait pas de bruit. La cuillère, ça fait pas de bruit. Mais après, ça c'est mon côté cambrioleur discret. Après, bon, si vous voulez faire mais ça, c'est ça, le mec peut s'introduire chez les gens, il n'y a pas trop de. Plutôt l'expérience. Mais après, si vous. Devant qui klaxonne pendant le truc. Et là, ça passe. Ouais, si vous voulez que j'aille faire chier devant et tout, moi. Ouais, pendant ce temps-là, en gros, pendant que toi tu les fais chier. Après, t'en as déjà vu, toi, ou pas déjà? Aucune idée. Il me semble que t'étais rentré avec moi. Ah, oui, 22, bah en fait, quasiment tout, oui, tout le monde était rentré. Tout le monde était rentré, oui. Donc au pire, les gens qui n'étaient pas avec nous là. Il y en a un qui pourrait klaxonner comme un connard pendant que nous on fait la casse. On était quasiment tous là, il me semble. Ouais, non, mais il parle des autres gars, des PNJ. Il parle des autres gars qui ont prévu le plan avec nous à la base. Ouais, d'accord, je vois. j'avais du mal à cerner. D'accord. Parce que est-ce que oui, est-ce qu'on a possible. Une idée des dispositions des gens à l'intérieur au moment où on va y aller? C'est ça le truc. Est-ce que par exemple, est-ce que il y aura quelqu'un dans la cuisine, enfin où ils ont déjà des positions Les choses se sont faites grâce à votre repérage à vous. Mmh. Donc vous savez déjà que, enfin, en se basant sur la journée où vous avez fait le repérage, ouais. Qu'il y a sûrement un type sur le toit. C'est d'ailleurs Pat qui l'avait croisé, il me semble bien. Il me semble bien. Et ouais. Il y a aussi un type au rez-de-chaussée normalement, qui fait le déplacement dans tout le rez-de-chaussée. Donc accessoirement pourrait passer dans la cuisine à un moment donné. C'est ça. Ouais, à la limite. Si lui on arrivait à le perturber, enfin qu'il fasse autre chose que ça pendant qu'on puisse faire le truc, ça c'est jouable. Hein. Mais honnêtement, je persiste, je pense que ça peut être jouable en la jouant discret. En collant justement le camion contre le mur. Et qu'on puisse travailler le mur directement du cul du camion et découper, faire un passage assez grand pour qu'on puisse après sortir dans la cuisine et aller directement dans l'entrepôt, charger le camion tranquillement et se barrer. J'ai envie d'y croire, mais t'es persuadé que ça peut ne faire aucun bruit ce truc? Oui, après tu as des scies circulaires à hydraulique. Pas non plus. Hein. Qui coûte cher, ça a un prix, mais en fait l'eau en même temps que la truc, c'est ça atténue le son. Alors après forcément oui il y aura un petit bruit, mais de là à ça sera dans une zone réduite quoi, ce sera genre au niveau de la cuisine. Qui se fait bah, au niveau de la cuisine, je pense que et peut-être de l'entrepôt, ça va s'entendre. Mais après, le reste, c'est chaud. Ça veut dire qu'il faut personne dans la cuisine, dans l'entrepôt. Quoi. Mais est-ce que c'est grave qu'on se fasse repérer? Vraiment, en fait? Bah, wow. C'est prévu comme une attaque. C'est à vous de voir si vous voulez la faire discrètement. Ah bah, ou... à la base, oui, c'est une attaque. Donc, c'est prévu pour être une attaque, d'accord? C'est oui, pas. Oui, c'est pas prévu pour être une attaque. On a le droit de faire des attaques discrètes. C'est pas parce que le MJ a dit attaque, ça y est. Ouais, c'est bon, enfin. Sinon. Je vais choisir une attaque discrète. Bah, fait la strat que... Spindercell, on essaie d'être discrète et qu'on se fait choper, on bourrine comme des salauds. Ouais, voilà, on a toujours cette option. Le plan B, mais c'est pas parce qu'on a un plan B, on peut bourriner, qu'il faut du coup négliger le plan A discret en mode oh, c'est pas très grave. Bah, après, moi je peux vous proposer ça. On peut toujours garder dans le coin du camion des charges C4 pour faire finir le mur si jamais on est serré. Comme ça, on fait ça, puis ça, mais on peut déjà commencer. À la jouer discret parce que pour notre propre sécurité, c'est pas, enfin voilà, on pourrait être très bien dans l'attaque, être blessé ou quoi que ce soit, donc à la limite et si t'arrives à la faire discret, tu finis avec une carte de visite, vous avez été visité par, et voilà, et c'est terminé. Sly Cooper, hein. On n'est pas obligé donc, de faire ça, mais non, mais ça veut dire que voilà, ils sont on peut les toucher partout où on veut et quand on veut. C'est un peu après l'idée du truc. Mais bon, après c'est vous qui voyez. Moi je vous propose ça maintenant. Je peux tenter, mais après est-ce que tu peux estimer plus ou moins le prix du truc que tu veux acheter? J'imagine que c'est pas un truc qu'on peut acheter n'importe où non plus. Donc. Oh, après, pour enfin la taille de notre organisation, ça coûte pas non plus les yeux de la tête, c'est quelque chose, ça coûte cher, mais pas pour nous, enfin ok, pour quelqu'un de lambda c'est cher, mais pour une organisation c'est pas cher. Et puis après on peut très bien la louer, hein, si vous voulez on la loue. On n'est pas obligé de... Ou on la vole, si vous voulez. On n'est pas obligé de l'acheter. Hein. Je pense pas que ce soit le problème, réellement, de se procurer cet engin, hein, dans n'importe quel endroit. Bah après, il faut dire qu'on a toujours l'argent du premier braquage, donc on est riche. Oui, pas vrai, on a 15 000, mais après, mais bon. Je veux dire, dans n'importe quelle boutique de location de matériel, on peut louer ça pour une semaine ou quoi. Parce qu'après, honnêtement, on n'en aura plus besoin par la suite. Enfin, je pense pas, donc ce sera un achat pour. C'est pas dangereux de la louer quand même. Pas pour l'utilisation en ligne. Enfin, genre, je suis sûr qu'un jour ça peut resservir. Enfin, j'en ai quand même des criminels. C'est vrai que c'est toujours utile, hein, en soi. Non. Oui, oui, bah, moi personnellement, ça peut être très utile, hein. Mais bon, après, c'est moi, quoi. Après, si franchement les deux mecs sont là, ceux qui étaient pas avec nous la dernière fois, si vraiment ils avaient à foutre un bon gros bordel, genre à l'entrée, pour que genre tout le monde, genre qui soit dans les cuisines, tout ça, soit attiré et fasse pas gaffe à ce qui se passe de ce côté-là, franchement, c'est un bon plan. Est-ce qu'on est. Est-ce que c'est déjà passé le nouvel an chinois? Attends. On est en fin septembre ou novembre. Vous êtes début octobre. Octobre. Je sais pas, c'est quand le nouvel an chinois. Oui, il me semble. Hein. C'est passé, je crois. C'est dommage parce qu'on aurait pu faire un nouvel an chinois devant là, faire péter un paquet de pétards là-dedans pendant qu'on bosse. C'est un nouvel an chinois fait que par les blancos, donc. Ouais, c'est ça. Ou alors, il faudrait qu'il y en ait qui la joue un peu. Non, parce que le nouvel an chinois c'est très début d'année et il me semble que cette année c'était en janvier donc. Non, je crois que c'est février, un peu. C'est février-mars, un truc dans le genre, le nouvel an chinois. Non, enfin bon, là, de toute façon, ça après, n'est pas d'actualité. En vrai, donc, c'est quand c'est le nouvel an chinois, ils sont organisés, ils s'en rendront pas compte. Non, mais. Pat. Oui. T'as pas des amis là, vu que je sais que toi t'es bien, t'aimes bien foutre du bon son sur tes véhicules, y'a pas des amis qui pourraient faire un disco mobile devant là? J'ai pas des amis quoi. Je sais, mais t'aimes bien, la dernière fois tu voulais nous mettre du son pendant que. Une casse en musique. Avec un bon son là, tu nous fais une disco mobile devant là, avec des amis à toi. Ça va pas les attirer ça. Mais ça peut couvrir le bruit déjà quelque part. Oui, mais c'est-à-dire que s'il y a des gens dans la cuisine, ils vont voir qu'il y a un truc qui rentre de transpercé. C'est pas faux. Oui, oui. Oui. Mais bah, après lui il faut quelqu'un en plus pour l'attirer à la limite. Mais s'il y en a qu'un, on est bien d'accord, il y en a qu'un seul en bas. Au niveau c'est 4 et voilà. Alors vous pouvez aller à ces 4 par un endroit et entrer par l'autre. Par la fenêtre. Batman a quelque chose à préciser. Je vous précise, juste un but informatif, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, on n'a pas le temps, bande de FDP. Non. C'est que cette maison rouge, donc, vous allez attaquer de manière directe, de manière discrète, ce que vous voulez, se trouve donc à Chinatown. Mm-hmm. Donc Chinatown, mm-hmm. Où il y a plein de Chinois. Chinois qui sont plus ou moins sur leur garde depuis quelque temps, depuis que le Redwood Gang les a attaqués. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et depuis que c'est tout simplement, c'est-à-dire qu'ils peuvent être potentiellement sur leur garde et que peut-être, je sais pas, faire trop de raffus pourrait justement être trop préjudiciable pour nous. Voilà. C'est juste une information, vous en faites ce que vous voulez. Non, ouais, non, c'est vrai, c'est pas faux. Voilà. Gardez en tête que c'est donc un quartier un peu sous tension. Mais le problème de l'attaque, du coup, pour le coup, s'ils sont préparés justement à une autre attaque, c'est que si on fait péter le mur à la sauvage, je pense qu'ils doivent avoir des backups dans tous les sens. Et le temps qu'on vide l'entrepôt et qu'on se barre, ils auront peut-être déjà du renfort qui vont carrément nous bloquer la route pour partir, quoi. Donc ça va finir en mode... mafia gang, ça va tirer dans tous les sens, quoi. Moi, ouais, je sais pas. Bah, après, moi, je dis ça, hein, mais c'est pour ça que si on arrive à le faire discrètement, aux yeux, à la barbe de tout le monde, en sachant que si on se réfère à ce que on a fait le repérage, normalement, il y a qu'un seul mec en bas. C'est ça. En bas, alors... C'est ça le MJ ? Il n'y a qu'un seul mec en bas. Qu'on a fait le repérage. Non, il y a la meuf à l'accueil, mais sinon il y a tout le monde dans la cuisine et tout. Enfin, genre, nous, quand on y allait, il n'y avait personne. Ça veut pas dire qu'il n'y a jamais personne en cuisine, sinon c'est quand même chelou. Bah, je sais pas, là, tu m'as dit quoi ? J'avais cru que tu disais qu'il y avait un mec en bas qui faisait sa ronde. De votre dernier repérage, il y avait donc la femme à l'accueil, un garde au rez-de-chaussée et un garde sur le toit. Voilà. Donc, en gros, ah oui, c'est la femme à l'accueil et la femme et le gars qui tourne en bas, quoi. C'est ça. Enfin, qui tourne en bas et qui est plus ou moins aussi devant, disons que ça dépend et tout. Après, si on fait ça suffisamment rapidement, on peut se permettre d'être moins discret. Parce que, du coup, si j'ai bien compris, les avantages d'être discret, c'est que c'est long. Mais l'avantage d'être non discret, c'est que c'est rapide, c'est ça? C'est rapide et peut-être un peu plus dangereux. Ouais, et si jamais on a plusieurs véhicules, par exemple? Ah, ça... Alors, moi, j'ai pas de véhicule, de base. Peut-être je m'en achète. Imaginons, on achète plusieurs fois le même véhicule ou une connerie comme ça pour pas qu'il sache où est-ce que qui va où. Putain, mais il est pas con, hein. Moi, je... C'est pas con du tout. Enfin, genre, on prend genre deux véhicules et on part genre séparément. Et forcément, enfin, ils vont se dire, voilà, on a une chance sur deux. Et ça risque de... Enfin, en vrai, ça marche bien, je trouve. Mais qui déjà voiture passée par le nom de voiture. Enfin, genre, je sais pas s'ils ont prévu de suivre deux voitures d'un coup. Enfin, genre, je sais pas, ça... Moi, j'aime bien. Et puis, on peut limite même se permettre de prendre 3-4 voitures, hein, si on a vraiment le budget. Je sais pas combien elle coûte, la scie hydraulique, mais... 3-4 voitures, mais... Enfin, après, ça peut être d'occasion, ça peut passer, mais... Attends, vous savez quoi? Amazon. Amazon. Si hydraulique, c'est ça? Si circulaire. Ça coûte pas cher. Hein. Une Clio, ça coûte pas cher. Si circulaire, hydraulique. Ouais, mais une Clio en Amérique. Mais t'inquiète, elle a été importée par des Chinois. Ça là, se trouve, ça se trouve. Mais si elle a été importée, forcément, elle est plus chère. Oui, ils en font des modèles à 150€. Bon, et moi, je suis sûr que j'ai commandé à 30€. Je suis pas sûr que ce soit vraiment fait pour détruire un mur, par contre. Oui, non, mais parce que tu regardes, ça, c'est les trucs de Leroy Merlin. On parle pas de Leroy Merlin. Moi, on parle d'un truc, on parle un truc de chantier, 150€, t'es gentil. La tiraille de Jojo le bricolo. Une question, monsieur le MJ. Ouais. Sur le bon Gotham, c'est combien à peu près pour une voiture d'occasion? Ouais, qu'est-ce qui est le plus rentable entre... Ouais, et limite, les voitures d'occasion, on les prend avec des fausses identités, donc s'il y a des cautions, on s'en fout. Donc ouais, monsieur, sur le bon Gotham, est-ce qu'on trouve... C'est si très connu de vendre de cher, tout ça. Sur le marché noir. Hein. C'est trouvable, oui, mais disons que vos chers coéquipiers sont pas forcément pour vous gaspiller de l'argent dans ce genre de choses. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ils veulent se battre. Non, y a pas un réseau de voitures volées. Bah, moi, je pose juste la question. Enfin, genre, je dis pas que je l'achète maintenant. C'est genre, si je recherche sur le bon Gotham, genre combien, enfin genre les voitures d'occasion, genre je peux en trouver à combien quoi. Tu pourras en trouver au prix habituel, ce genre de choses. Merci, c'était ça que je te demandais. Au prix habituel. D'accord. Bon, les gars, il y en a pour 10 euros. Le mec, il a vu. Ça me sent pas très habituel. C'est des petites voitures miniatures. T'as dans les, du coup, je pense, 2000, 3000 dollars, là. Si le truc est pas en super bon état, c'est pas une voiture nouvelle. Oui, c'est faisable. Bon, en location, on peut même avoir pour beaucoup moins cher que ça, hein. Putain, c'est pas con, on prend genre des véhicules. Oh putain, j'ai une idée à la con, mais si on prend des scooters en location, on est tous sur un scooter. Ouais, on a des livreurs de pizza. Touché, c'est bien touché. Oui, non, on a pas assez de livreurs de pizza. Comme ça, on a des scooters et en plus, on a de quoi manger ce midi. Ça, les mecs sont capables de faire un vrai plan dans leur vie. C'est les gros pauvres. Non, par contre, des véhicules d'occasion, à la limite, genre, on demanderait... Avec des fausses identités. On les prend avec une fausse identité, comme ça, si jamais il y a des chèques de caution à faire. Est-ce qu'on braque pas un truc de l'autre côté de la ville? Parce qu'en vrai, ça va être... Même avec des fausses identités, en vrai, il y a peut-être des caméras ou quoi. Donc, si on arrive avec le Red Hood, on arrive, on fait passer nous 6 voitures du même modèle maintenant, et après, on va faire ça. Est-ce qu'on va être facile à traquer, du coup? Mais on s'en fout qu'ils nous traquent. Genre, nous, on fait ça, on prend les trucs qu'on la drogue. On est pour la drogue, je me comprends. Je veux dire, si jamais on fait un truc, on va se faire poursuivre par les flics, ils vont connaître les modèles des bagnoles et tout. Ça se trouve, ils peuvent les localiser. C'est pas. Mais en fait, je voyais sinon, ça vraiment en mode on arrive à sinon, passer et après on les jette dans la mer, tu vois. Enfin, genre dans le fleuve. Sinon, j'ai un autre système, mais alors là, ça coûte un peu plus cher. Mais alors, c'est sûr que c'est sans bruit. C'est découpage laser. Ah oh, non, putain. Non, en vrai, je pense pas qu'on en ait besoin, ils ont dit on fait l'attaque. T'as cru que t'étais Blaisemont, monsieur? Mais non, mais après, faut voir ce qu'on veut, les gars. Moi, je reviens en comptabilité. J'en ai vu des choses bizarres avec mes collègues, mais alors là. Eh, mais je suis cambrioleur, moi, c'est mon boulot. Il faut avoir camion pour le transporter, juste. Oui, non, mais surtout, on n'a pas besoin de ça juste pour un coup comme ça. Là, on peut se permettre de faire sans. Qu'est-ce que tu demandais, Paz? Non, je disais un laser comme ça, il faut deux camions pour le transporter. Ça peut être fou, c'est des trucs dans des usines, ça, qui sont accrochés à des structures et tout. Concrètement, au final, faut qu'on fasse quoi? Bah, c'est je sais pas, je proposais qu'on fasse du bruit à un endroit et on rentre par la fenêtre autre part. Moi, là, il n'y a pas de fenêtre en bas, non? Non, il n'y a pas de fenêtre. Ouais, par contre, mais sinon, monsieur le démolisseur, tu démolis ça avec ce que tu veux, genre de la C4 avec une scie. Fais ce que tu veux, on prend les deux gus là, excusez-moi messieurs, on prend les deux gus, on les fait faire devant là, ils font des trucs, voilà. Et après, on regarde comment ça marche. Enfin genre, l'autre bah, ouais, moi ça me va, moi ça me va, après je propose, ouais, je, bah, limite on commence à la disqueuse, enfin à la scie circulaire et puis après si c'est trop pas assez rapide, on balance le C4 et puis on envoie quoi. Au niveau de la quantité à récupérer à l'entrepôt, ça c'est de l'ordre de combien en quantité? Alors si vous vous basez sur ce que vous aviez trouvé la dernière fois, ouais, c'était plus ou moins de quoi bien remplir le coffre d'une bagnole, le genre de coffre pour la voiture familiale, même plusieurs, genre même en location. Par contre j'aime bien cette idée en vrai, parce que ça peut permettre vraiment des boussons. On prend des vannes noires à la limite. Hein. Van noir classique, quoi. Vite ouais, teinté genre, et tout. Après, voir, on peut trouver ça, mais ouais, clairement. Oh, je pense que ça se trouve un peu partout. Après, on fera des une location avec des faux noms et voilà. Oui, oui. Bah moi ça me va, bah, écoutez, je peux me charger de récupérer l'équipement pour la disqueuse et le C4. Et puis pour vous, récupérer les véhicules, et voilà. Mm-hmm. Okay. Tout le monde est d'accord? Ça me va. Ouais. Ça passe. Oui. Ah, attendez, 2 minutes. Je reviens dans 2 secondes. Ok. Vous pensez quoi de cette méthode, vous? Moi, je dis oui. C'est discret. C'est discret. Non, franchement, moi, je dis oui. C'est la meilleure méthode. Je pense qu'on on nous verra pas venir, je pense. Ils vont se douter de rien. Mais au moins, on rentre facile. On est à couvert. Je pense pas qu'il y a un problème avec ça. Ouais. Alors, je pense avec que tu. Avec chez le T90. Chez Hertz, tu dois pouvoir les trouver en location, ceux-là. Moi, je pense, hein. Peut-être en choper un pour 1 million. On a un prêt au Joker, et puis voilà. Ouais. Je trouve cette session là, elle n'a pas beaucoup de rythme. Non, mais faut dire, si on n'a pas de MJ. Ah, mais c'était ça! Mais je suis en train de voir. Calculer la l'ouverture du mur, savoir combien on a besoin de. Combien de C4 j'ai besoin. Moi je cherche un T90 d'occasion. Ouais, d'occasion. Je suis sûr sur le bon Gotham. Et en location. En location, t'en as pas? Si vous voulez, il y a Jean-Michel du 93 qui... Non, par contre... En location, ça se pourrait, mais le problème, c'est que généralement, c'est de l'armée qui loue ça. Et je pense qu'à l'armée... Bah, tu dis que tu loues pour un anniversaire. on va demander ça à l'armée russe, ils vont être contents. On va être obligé de le payer à Daesh. Bon. En vrai, c'est pas si con que ça. Mais par contre, comment vous comptez amener un KV... Un... Non, c'est pas un KV2, un T90. Mais c'est simple. En fait, j'ai pas trouvé le prix d'un Panzer, du coup. Je me suis rebattu sur le T90. Mais T90, ouais. Occasion. Ça m'achète sur des souris Canon, enfin des appareils photo. Mais parce que tu vas pas sur le Darknet, c'est pour ça. Gotham est de retour. Vas-y, je m'en sors. Alors, shopping. Ok. Donc, je suis de retour. Donc, on va reprendre. Ah, mais nous, on avait continué, hein. C'était toujours la partie. Ouais, non, mais ouais. Le T90 n'est pas canon, désolé. Bon, par contre, le musicien, il peut arrêter, là. Non, Pat n'est pas en train de jouer de la guitare pendant que... C'est qui pendant qui chante Pat Ça vient de Pat. Pat, il, Pat, il gratte la guitare pendant que... Ah, d'accord. Mais Batman, il... Ah oui, il est pas cher. C'est sur le thème de Batman à l'oreille, mais c'est pas facile. Bon, du coup donc... Oui. Donc oui. Je fais des jolies phrases. Donc oui, donc le type, le type qui avait... Oui, non, tu voulais dire quoi? J'allais juste résumer donc ce qu'on avait fait dit avant, que j'allais m'occuper de récupérer la disqueuse, enfin la scie circulaire et le C4 pendant que les autres allaient chercher les véhicules et après tu es parti, donc la suite c'est pour toi. Très bien, d'accord. Donc le type donc qui est avec vous, qui s'appelle Franck, celui-là qui a l'air de bien aimer la bouteille, même si là il a l'air plutôt en état. Tout simplement réagit donc ce que tu viens de dire par rapport aux achats que tu vas faire. Mmh. Et tout simplement il fait un pas en avant avec un air un peu fier de lui, ce genre de truc. Et il dit: justement, je pense que j'ai de quoi remplacer le C4 en plus rapide, plus efficace avec fracas. Et surtout qu'il va pouvoir être utile aussi une fois la brèche faite. Des bombes d'antimatière. Ah, je ne dis pas qu'il est un bazooka, quand même. Non. Un lance-grenade. C'est un pote à moi. Juste laissez-moi aller le chercher. Ouais, donc, il se retourne okay. Juste vers une porte, parce que c'est un salon avec plusieurs portes. Hein, on est d'accord. Et il va ouvrir la porte dans une des salles que vous n'avez pas visitées, vous êtes arrivé et vous êtes installé au salon. Et vous voyez qu'il revient avec une chaîne dans la main. Oh. Ah d'accord. Sur un lourd de compagnie. Il tire un petit coup sur la chaîne, vous entendez une espèce de grognement. Et il fait passer par la porte. Oh non. Un type. Qui doit faire 2 m50 ou 3 mètres, un truc comme ça. Ah non. Oh, c'est Chewbacca. Tout en muscles, recouvert de cicatrices, avec un anneau au nez, c'est là où il a accroché la chaîne. Oh. Ouais, moi je recule d'un pas, enfin tu sais, je me pousse, je suis un peu effrayé là quand même. Ah, il est pas recouvert d'écailles. C'est pas humain, non, ce machin. C'est pas Killer Croc. Ah, s'il est pas recouvert d'écailles, ça va. Ça veut dire qu'il va pas me bouffer. C'est pas humain, ce machin. C'est qui, ce gars-là? Pas très tolérant, ça. Hein. Je vous présente un petit pote à moi. Je l'ai appelé. Un petit pote. Il fait 3 mètres. Il fait 3 mètres ton pote. Je l'ai appelé Buddy. Buddy. Alors, soyez sympa avec lui, il est pas très malin. Salut Buddy. Je lui propose un croissant. Tu vois Jess qui, quand tu lui dis salut Buddy, il tourne juste la tête vers toi. Et soudainement il retourne directement la tête vers Pat. Qui vient de dire croissant. Et il fait un pas en avant. Tu vois que le Franck qui est en train de tenir la chaîne, il s'écarte un peu quand même. Tu vois qu'il a l'air d'avoir un peu le contrôle, mais il flippe un peu. Et Buddy s'approche de toi et tout simplement il baisse la tête et il tend la main vers toi un peu comme les singes dans la planète des singes, tu vois ce que je veux dire. Il tend la main vers moi. Il tend la main vers toi en mode donne quoi. Je lui mets deux croissants dans la main. Tu lui donnes le croissant et il amène ça vers sa bouche et il bouffe d'un coup quoi, il a pas besoin de un morceau. Et il a l'air d'apprécier. Bah oui, c'est moi qui les ai fait. Et ouais, il est grand ton bonhomme, mais bon, en quoi il va nous aider à péter le mur? Il est quand même pas capable de le faire à la main. Oh oui, il en est capable. Oh putain. Ce petit bonhomme est originaire de l'asile d'Arkham. Il s'est déjà évadé une ou deux fois parce qu'on l'avait mis dans une cellule qui n'était pas spécialisée pour lui. Alors, par contre, il va y avoir un souci. Ton pote, là, il est... Je suis sûr qu'il pourra faire ce que tu veux qu'il fasse. Par contre, là, c'est pas un van qu'il faut prendre. C'est un camion pour lui. Mais non, il sait se mettre en boule, t'inquiète pas, il passe les portes. Mais il fait 3 mètres! Il passe les comment portes! Comment tu vas le foutre dans un van? Il passe les portes! Attends, il passe les portes! C'est quand même un putain de bon argument là, t'as pas mieux! Attends, il passe les portes, les types! Non mais tu te fous de ma gueule! Non mais t'as jamais pris le métro toi? Non, il passe. Non, c'est pas qu'il passe les portes, c'est qu'il fait les portes! C'est lui qui fait les portes! Il retaille les portes pour. Mais oui, il est fait à son image. Tu sais, quand les bons cartoons à l'ancienne, là, tu le gars, il passe au travers du mur, il y a sa forme. On passe, on le met à l'arrière d'un van, et s'il y a besoin, on ouvre le van, il passe le mur. Non, mais franchement, bon, d'accord, mais en vrai, c'est un bon plan. Enfin, genre, si ça nous permet d'avoir l'efficacité. Du moins, c'est dans l'idée où l'option discrétion ne marche pas, bien sûr, sinon on n'aura pas besoin de lui. Oui, mais je peux le transporter dans mon van s'il faut. Hein. Oui. Le coup d'échappement va un peu traîner par terre, mais. Écoutez, si vous me garantissez, parce que c'est moi qui vais bosser sur le truc, je l'aurai dans le dos, j'imagine. Donc j'espère que si tu me garantis qu'il se tient tranquille le temps que je bosse. Il a l'air gentil. Par contre, ça va nous obliger à mettre deux véhicules parce que lui tout seul, il va remplir le van. Oui, il y a de la place dans mon van. Hein. On comptait en prendre plusieurs. Non, mais non, c'est quoi ton van, toi? C'est un camion. Il a réussi à tenir cacher en même temps le van. Je pense qu'il peut tenir un mec de 3 mètres. Bah oui. De toute façon, il sait se mettre en boule, vous inquiétez. Du coup, frère. Enfin, chez moi. Dans ma caravane. De toute façon, il veut aider. Ah, Buddy! Et tu es le type, il fait oui, en secouant la tête. Ok. écoutez, d'accord. J'irai pas chercher le C4, alors on va compter sur lui. Par contre, aller chercher des vannes un peu plus grands, alors. Les vannes, on va aller chercher où, du coup? Je pense que tu dois avoir des entreprises de location professionnelle avec des vannes gratos. Mais à la limite, essaye de voir si tu peux pas récupérer un van genre maintenance, tu sais, genre nettoyage industriel, des trucs comme ça, tu vois. Ça avec des tenues même peut-être, non? Ça pourrait passer un peu plus que bah, si écoute, on arrive avec des vannes noires devant la maison. Moi je veux bien, faut juste dire où est-ce qu'on peut choper ça quoi. Tiens, j'ai une question moi, le bâtiment qu'on attaque, c'est un truc, genre il y a une devanture, genre de truc officiel, genre un resto, un truc comme ça, ou c'est genre vraiment un endroit mal famé, faut pas entrer. C'est officiellement ça ressemble juste à un espèce de HLM classique. Ah merde, parce que sinon on aurait pu se faire passer pour des électriciens ou une connerie comme ça, genre si c'était une devanture de resto ou une connerie comme ça. Voilà, oui, vraiment, en fait, le bâtiment, je vous l'avais pas décrit la dernière fois, mais il faut vraiment l'imaginer comme un HLM et ils ont abattu des murs pour faire ce qu'ils voulaient du bâtiment, quoi. Ok. C'est rigolo d'abattre des murs, ouais. En plus. Ben, moi, j'avais ça comme image la dernière fois, en fait. Oui, bah, c'est dans l'idée, on va dire. Le machin orange, là, vous voyez ? Bon, mais moins grand, parce que... Oui, il n'y avait que 3 étages et le rez-de-chaussée, mais c'est dans l'idée. Oui, oui. Non, mais c'est des grands ça, étages. C'est des très grands étages. Donc voilà. Bah écoute, ouais, après, j'imagine que sur les extérieurs de Gotham, on peut trouver des entreprises de location professionnelles. Oui, ça se trouve, de toute façon, vous avez juste du tank, mais je suis sûr que c'est trouvable aussi à Gotham. Donc vous pouvez trouver tout ce que vous voulez à Gotham. Bah voilà, écoute, tu trouveras ça facilement, William. Oui. Je m'en baisse, c'est pas moi qui ai donné le service, hein. Moi je suis nouveau. Bah il faut bien apprendre. Tu t'ouvres, tu regardes sur le bottin, et puis tu trouveras bien une adresse. Monsieur, attendez, monsieur le MJ, objection. Est-ce que en tant que comptable, j'aurais jamais travaillé pour une boîte, parce que je suppose que j'étais dans une boîte comptable, est-ce que jamais j'ai eu comme client bah, tout simplement un truc genre, comme il disait, de je sais plus comment ils appelaient ça, mais tu sais, de réparation, tout ça, là. Location. Ouais. Non, pas de location, t'avais dit de chercher, tu sais, des vannes plutôt type... Enfin, oui, mais t'as des entreprises de location professionnelle où tu voilà. as juste bah, Est-ce que par hasard, je n'aurais jamais eu ça comme client, ce qui pourrait me permettre de pouvoir avoir une connexion. Je vais te demander un petit jet en comptabilité. En comptabilité. Bah quoi, c'était de la compta. En contact, putain. Contact, alors, je cherche ça... Je me rappelle une entreprise en redressement judiciaire. Je me rappelle le nom. Alors, contact. Ah, là. Oh putain, j'ai 11. Oh là là, ça va être chaud ça. Ah, allez. Putain, mais pourquoi j'ai rien en contact? Mais moi, je pensais que contact c'était contact gothamique, tu vois, en mode les criminels. C'est pas oui, les fameuses entreprises. Mais non, mais c'est non, mais je te parle d'une vraie entreprise que je pourrais voler, comme ça je connais l'adresse et tout ça. Non, mais au pire, contacts. On pourra toujours demander aux autres s'ils n'ont pas de meilleurs contacts que toi. Je sais pas comment je dois interpréter ça, monsieur le MJ. Ouais. J'ai fait 11 sur 11. Faut-toi bah, l'appui bon. Si tu veux. D'accord, bah, ça veut dire que oui, tu as les informations, les entreprises, tout ça, tu sais où aller. Ok, donc les gars, je connais justement une entreprise. Putain, bah donc c'est parfait, si tu peux avoir un truc genre des camionnettes de nettoyage industriel, un truc comme ça, pour que ça fasse un peu plus réaliste qu'un fourgon noir. On passe en mode les voler ou vraiment les prendre de manière légale Oh bah après, est-ce que tes contacts ils peuvent te faire un truc Alors, c'était des clients de ma boîte de comptabilité. Hein, c'est... Je sais pas s'ils traînent vraiment dans les trucs comme ça. Après on est à Gotham, vous allez me dire. Mais... Moi j'ai une question, il est à quelle distance le bâtiment le plus proche De l'endroit où vous allez attaquer. Ouais. C'est dans une rue, quoi, donc il y a des bâtiments un peu autour, partout. Parce que moi, je me disais qu'il y aurait peut-être moyen d'accéder au bâtiment depuis le toit d'à côté. Si à côté, c'est un bâtiment où on peut jouer les électriciens et tout. On rentre, on fait nos petits trucs et tout, et puis on va sur le toit. Au pire, on peut faire le plan classique, genre on rentre, on prend le truc et on se casse. Avec le mec en tant que bélier. Oui, non, mais c'est bon, on va à l'arrière, on défonce la cuisine, on rentre, on se casse, c'est bon. Enfin, là, le plan, il est bon. On a qu'à faire un simple vote, non? De quoi? Non, mais moi, je propose juste, hein. On fait le brainstorming, tout ça. Je pense que là, le plan, il est bon. Bon, nous, on n'était pas au courant qu'on avait un tel joker, mais si le mec est vraiment aussi puissant qu'il le dit, on est bien barré, quoi. J'ai pas un joker. Bah, disons que... Mais non. Un atout. Oui, un atout. Il a fourché, il a dit le mauvais mot. Mais c'est un atout. Du coup, ouais, bah, il nous servira en dernier recours si le plan A a foiré, on aura lui, il arrivera et puis voilà. Mais le plan A, c'est plus ou moins lui, non? Non, c'est la discrétion. Bah, au début, j'étais parti sur la discrétion de faire ça propre, ouais. En mode on va éviter de réveiller tout le quartier. Et puis ouais. Si ça foire, eh ben on prendra la deuxième option et pendant que il s'occupera du mur. Il faut quoi pour faire ça propre du coup? C'est ta scie, c'est ça que tu veux prendre? Oui, voilà, c'est ma scie hydraulique. Bon, du coup moi je vais essayer de voir. Bon, du coup ouais, question, c'est genre légal ou pas légal? Genre on prend les camions et on se casse ou de manière légale, genre dit oh pff, vous avez bien perdu 2 ou 3 camions ces dernières années. C'est pas sûr que ça passe. Mais après, si bah, je l'idéal, dis, c'est amorti, c'est qu'on laisse ça, pas de traces. L'idéal, c'est qu'on laisse pas de traces. Le vol, c'est mieux. Soit on peut, après... mais ou alors on peut très bien les louer, mais avec des faux noms. Qu'on puisse pas remonter à nous. Genre, c'est un bidule schmuck qui. Voilà. Mais. On peut faire ça. Ouais, mais après louer avec des faux... moi, c'est-à-dire que moi déjà je dois pas rentrer en contact avec eux parce que bah, j'ai bossé, enfin c'était mes clients donc ils me connaissent. Mais pour le reste, enfin oui, vous pouvez très bien y aller et demander sous des faux noms. Enfin si vous avez ce qu'il faut en papier tout ça, hein, parce que enfin moi je traîne pas avec 15 milliards de cartes d'identité. Bon, attends, on n'est pas une petite organisation, des faux papiers, ça va assez vite fait chez nous, non? Oui, sauf qu'à un moment, au bout d'un moment... C'est rien, moi je suis là depuis quelques mois. Ça peut se faire. Il faut que tu fasses son stage, t'as pas fait encore le stage faux papier? Oh là là. Il y avait un club la semaine dernière. Oh là là. Non, mais en soi, si vous préférez louer. Mais après, louer, le problème, c'est que si on a des problèmes avec les véhicules, si tu rends un véhicule qui a des balles dedans, il y a forte chance qu'il suspecte quelque chose. Donc, non, même si c'est. Dans le mot louer, on n'est pas obligé de le vendre à la fin. Si on loue avec des faux noms, des fausses identités, tu peux très bien abandonner les véhicules. Oui, c'est vrai. Et voilà, bah, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Hein. Mais c'est pas grave, tu es un bleu, tu apprends, c'est très bien, ça fait partie du processus. Et après, c'est moi qu'on appelle le stagiaire. Hein. Non, mais. Mais c'est comme, oui, déjà. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Bon, après, je suis pas non plus un bleu, hein. Je vous ai quand même pas mal aidé. Oh, hein. Hein. Oui, mais là, tu pour voilà, cette, voilà. Pour ce truc-là, tu es débutant. Ah non, mais les... bon, on va faire ça, on va y aller, si vous pouvez voir de bon, le seul truc où je suis sûr, c'est que si moi j'y vais, ils vont me reconnaître, donc ça marchera pas très bien comme pronom. Mais je fais le par téléphone, t'es pas obligé de le faire par en visuel. Il me semble que des locations, faut quand même donner des, tu sais, genre des papiers, tout ça. Mais attends, y a pas l'internet à Gotham? On demande des clés. Mais pourquoi on va demander à des gens pour une vraie entreprise? On peut pas les acheter sur le marché noir, les véhicules. Bon, ben on va pas acheter des camions pour un truc. On s'en... Oui, là, ça va coûter cher. Non, mais bah, par contre, ce que je veux dire, c'est que là je parle, enfin, genre, là même en dehors, tout ça, c'est genre, réellement dans la vraie vie, quand tu es loué, il faut quand même que tu laisses des trucs, c'est ce qu'on appelle caution. Et même si c'est sous des faux noms, il faut quand même que tu ailles là-bas sur internet, tu peux pas juste dire, hé, hey, lol, oui, passe-moi ton camion, et puis attends. Disons que la personne qui, en réel, hein, là je sors du roleplay, mais quand tu fais une location, tu peux très bien la faire via internet, par téléphone, et après la personne qui va chercher le véhicule a les papiers en main et les donne. Toi, tu peux très bien t'occuper de faire la réservation et oui, les mais gens. Osef, dans tous les cas, son problème, c'est que c'est vous qui allez, pas moi. C'est ce que je disais. Et bien, mais voilà, mais on s'en fout. Ce sera pas toi. Non, mais donc, oui, voilà, mais c'est ce que je disais à la base, monsieur. C'est tout. C'est juste que c'est pas moi qui dois aller chercher les trucs parce que bah, il connaît mon visage. Oui, oui, mais toi, tu fais juste la résa, c'est tout. Ouais, bah ouais, je veux pas envoyer des vendeurs dans un truc qui connaissent le visage d'un banquier en fait. On sait jamais. Et déjà, je suis pas banquier, monsieur, j'étais comptable, j'étais expert comptable dans une entreprise. voilà, mais expert comptable, c'est pas la même chose. L'administration, tu peux les connaître, mais là, c'est une. Personne connaît le mec de la compta. C'est pas une énorme boîte, et c'est une boîte familiale. Et du coup, il y a des risques qu'un des mecs me reconnaisse. C'est pas faux, mais tu as raison. Et bien, dans ce cas-là, toi, tu fais la réservation par téléphone, internet, ce que tu veux. Et nous, de toute façon, on viendra chercher les véhicules le jour J. Je prends mon super smartphone de 2017 et avec. Parce que c'est une fonction incroyable, je vais sur Google Chrome et je vais sur leur site voir s'il y a la location disponible. Waouh, ok, ça marche. du coup, et alors c'est prévu pour quand? Alors vous voulez faire ça quand? Bah, quand tout sera prêt. D'accord. Une cible, hein, je pense. Le plus vite possible. C'est prêt, on y va. D'accord, c'est pas faux. Bah du coup moi je passe les coups de fil qu'il faut pour avoir mon matos et donc voilà je récupère je vais récupérer ma scie circulaire hydraulique donc la plus silencieuse possible évidemment hein, je vais pas prendre celle à 150€ dans le barza du coin. Ah moi franchement j'aurais fait 100€. Je suis sûr qu'Amazon ils ont le meilleur produit. Mais ça existe pas Amazon à Gotham, je crois. Donc, c'est bien le bon Gotham. William et Thompson, vous trouvez ce que vous aviez à trouver. Oui, enfin, moi c'est sur internet, attends, ça va pas prendre. Ouais, ouais. Bah, tu trouves il y a bien un truc de location, tout ça. Ouais, bah, du coup, j'en loue. J'en loue combien les gens? Non, pas besoin, j'ai déjà sur le coup, j'ai déjà appelé. On a déjà un camion. Ouais, une camionnette, pardon. Et on en prend qu'une seule? Bah on a celle de... On peut en prendre peut-être deux, du coup. J'ai moyen d'en choper trois si vous voulez. C'est pas vrai. Dis pas au début avant qu'on loue. Parce que je viens de l'appeler. Bah ouais, ouais, en vrai, s'il y a moyen de pas abîmer ma camionnette, prenez-en une en plus. Non, mais de toute façon, il faut pas que tu y ailles avec ta camionnette, faut pas que tu sois grillé après par la suite. Hein, de toute façon, donc, ouais, il faut prendre clairement vraiment des véhicules qui n'ont pas de rapport avec nous. Ouais, 3, je pense que ce serait pas mal. Ce serait l'idée, hein. en sachant que de toute manière, il y a un des véhicules qui sera dédié juste quasiment à monsieur Buddy et moi. Donc, et après, un qui va charger le matos et puis l'autre qui fera diversion. Donc, c'est bon, j'ai les trois camionnettes gratuitement. Je crois que Buddy il m'aime bien, donc à la limite, il faudrait que je monte avec lui au cas où il s'énerve ou s'il y a un truc, parce qu'il a pas l'air très, très gérable facilement. Bah, tu lui feras une fournée de pain au chocolat. Il lui fera une pizza et les fougasses et ça ira très bien. Ça lui tiendra. Par contre, si vous pouvez éviter de pas trop parler pendant que je bosse, parce que j'ai besoin de calme. C'est de l'art. Voilà. C'est compliqué d'être un cambrioleur de professionnel. Bah pour ma foi, pour ma part, c'est bon. Hein, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir mon matos. J'ai les trois camionnettes de dispo. Good. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ouais, vous me faites chier. Moi, du coup, j'ai fait une fausse commande pour rien. Faut le dire avant quand vous avez des trucs, les gars. Désolé, pas quand il m'a pas répondu de suite. Je viens d'avoir l'info. Bah écoute, dis-toi, t'as fait une jolie blague à quelqu'un. Bon, rien d'autre. Qu'est-ce qui est sympa. Bah non, ça va, dans... c'est bon. Ok. Donc, est-ce que quelqu'un se porte... est-ce qu'il est volontiers pour résumer donc de manière précise, enfin pas précise mais claire. Celui-là qui le fait aura un bonus sur son prochain jet. Alors, je vais résumer parce que j'en aurais besoin d'un bonus pour faire un bon trou qui fait pas de bruit. Donc, nous allons placer un véhicule. Entre donc le garage et le hall qui viendra à cul de la cuisine. Dans ce véhicule, il y aura Buddy, il y aura Pat et il y aura moi. Dans un premier temps, je vais tenter de faire ça proprement avec une scie circulaire hydraulique pour faire un trou assez grand et le plus discrètement, le plus silencieusement possible. Et donc par la suite, pour atteindre la cuisine et l'entrepôt. Si les choses se déroulent comme il faut, on pourra vider l'entrepôt sans être grillé. Et donc on pourra charger un autre véhicule avec la marchandise et se barrer. Si ça venait à foirer au niveau de la découpe, c'est Buddy qui prendra le relais. Qui viendra défoncer le mur, probablement s'occuper des gardes potentiels. Et pendant ce temps-là, nous, il faudra qu'on charge le tout. Je suppose qu'on sera équipé avec nos équipements de raid. Ou. Je sais pas. Moi, je trouve ça bien, c'est à vite qu'on voit nos visages. Quoi. Voilà, donc on sera équipé avec nos équipements raid. Et une fois que le tout sera chargé, donc nous aurons trois véhicules identiques qui partiront dans des directions opposées afin de tenter de semer et de désorienter un peu les poursuivants potentiels. Voilà, le résumé. Ok, très bien. Je note que tu as un petit... bonus. Merci, c'est gentil. Plus 5 voilà. Sur ton jeu. Tu auras un moins 1. Plus 50, s'il vous plaît, j'en aurais. Très bien. Donc, si personne n'a de choses à rajouter, nous allons donc passer à la suite. Très bien. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une arme? Normalement, on a tous les petits flingues que nous avons. Oui. Ouais, okay. Moi, je vais mon flingue, il n'y a pas de problème. Ok. Très bien. Bon, on va y aller. Ok. Donc, vous attendez. Enfin, vous. Le temps de faire l'organisation, de se procurer vraiment en main. Chose. Il s'est passé. Petite journée tout de même, hein, histoire de tout bien préparer, d'organiser les détails, disons. Et le lendemain, dans la matinée, il va être temps donc de passer à l'action. Donc il y a donc la camionnette, disons que principale, où il y a donc Thompson, Pat et notre cher Buddy. Et les autres camionnettes dans lesquelles se sont répartis les autres. Si j'ai bien compris la chose. C'est ça. Très bien. Mm-hmm. Les autres camionnettes, ils vont se placer où exactement? Dans la ruelle aussi ou disons que ça risque d'être assez serré. Si oui, je pense pas. Moi, je voyais ça vraiment en mode, tu sais, on se fait peut-être à l'entrée de la ruelle. Enfin, genre, si on se sépare vraiment, genre les trois des points stratégiques, comme ça, au moment de partir, ils vont avoir du mal à suivre. Okay. C'est ça, vu qu'une camionnette c'est lent, ça permettra de. Voilà. D'accord, donc ceux qui sont dans les autres camionnettes. D'ailleurs, je propose que lors de l'évacuation, la vraie camionnette soit celle du milieu. Comme ça, si jamais on est poursuivi, il y en a une qui permettra de faire par exemple le barrage au niveau d'un pont et de bloquer le passage. si jamais on a un barrage, par exemple, de flics de l'autre côté, l'autre permettra d'enfoncer tout, tout en protégeant... Bah, après, le seul truc où, comme tu dis, monsieur la MJ, ça peut se poser un souci, c'est que la camionnette où je fais le... Enfin, qui sert à... Où je serai dedans avec Buddy et Pat... honnêtement, bah après, si on veut rester dans le réel, Buddy, c'est quand même un gros bébé, il va prendre beaucoup de place. Donc je sais pas s'il y a la place, à part si toi, le MJ, tu me dis que c'est bon, qu'on puisse mettre Buddy et la cargaison dedans. Et nous, est-ce que ça peut passer ou pas? Après, si la cargaison est dans un des autres vans, ça fait qu'on a plus de chemin à faire pour les mettre à l'abri, entre guillemets. Mais ça peut passer, mais c'est vrai que du coup on a moins l'avantage que les deux peuvent vraiment arriver en mode barrage et toute la merde quoi. Bah, mais, c'est surtout que la ruelle étant petite, une fois que moi j'ai fait le trou, ou que Buddy a fait le trou, il faut que le véhicule, si ça rentre pas dans notre véhicule à nous, il faut que nous on se barre, qu'un autre revienne dans la rue, fasse une marche arrière, se mette en face du trou et charge la cargaison. Non, ce serait beaucoup trop compliqué, pourquoi on ferait ça? Mais non, mais parce que c'est ce qui va se passer. C'est que si nous, on peut pas charger tout ça dans le même véhicule qui a permis à faire le trou, bah, comment on charge le tout? C'est pour ça que je demande au MJ, est-ce qu'on peut tout mettre dedans? Les trois vannes, c'est les mêmes. Les trois vannes, c'est les mêmes. Oui, les trois vannes, c'est les mêmes. Bah dans ce mais cas-là, si tu... c'est juste que le vous êtes pas obligé de repartir dans le même van que vous êtes arrivé, il y a pas vous de monde dessus. Tu mets la cargaison dans celui du milieu et vous si vous avez besoin, bah vous courez juste un peu plus pour arriver au niveau de. C'est plus facile de courir sans avoir la cargaison en plus que juste comme ça partir plus loin pour aller prendre le truc et partir en speed quoi. Ah tu veux dire que nous on chargerait la marchandise et on se barre ouais. Après du camion et on monte dans un autre ouais. C'est ça c'est ouais. Ça vous c'est repartez ça. dans celui de gauche ou celui de droite ou choix. Ah ok bah ouais non, si vous voulez pendant ce temps là moi je peux essayer de naviguer de choper le vrai van parce que tout ce qui est course poursuite tout ça j'en ai déjà fait quelques unes j'étais plus jeune et c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ouais, il faudrait qu'il y a au moins un chauffeur dans le van qui va partir avec vous. Comme ça, au cas où ça tourne mal et que vous êtes obligé de partir en courant, il faut qu'il y en ait un qui est prêt à partir dès que vous êtes rentré dans le van. Quoi. Ouais. Ah bah de toute façon, il y aura des chauffeurs dans chaque véhicule qui attendront de partir. De toute façon, t'es obligé. Il faut laisser tourner le moteur, quoi. Ouais. D'ailleurs, faut peut-être qu'on les désigne les chauffeurs, non? Oui, justement, ça serait bien. Justement. Vous pouvez les désigner, gardez juste en tête, bien sûr, que vous avez toujours les... Alors, oui, mais les deux, ils font de diversion devant. Oui, mais vous avez, parmi ces deux, du coup, il en reste trois autres. Il en reste trois qui sont, disons, des gars de main, okay. Ah oui. Des hommes de main. Moi, je veux conduire le van qui contiendra tout, parce que comme je dis, moi, les courses poursuivent vite. J'ai pas le permis. J'ai mes 16 ans, et clairement, c'est mon dada. J'en ai fait quelques-unes il y a longtemps. À tout moment, je peux, bah, mais clairement, de toute façon, si Jess a l'habitude, autant qu'elle prenne le plus dangereux, entre guillemets, celui-là qui va partir avec la cargaison. Ouais, ouais. Bon, moi j'ai pas le permis, donc malheureusement, je vais pas être très utile en chauffeur. Attends, à part moi j'ai quoi en conduite? C'est où conduite dans là? Faut pas dire à voix haute, mais faut dire si tu conduis bien ou pas, d'accord. Alors, en vrai. C'est en connaissance. Ouais, c'est en connaissance. En vrai, okay. Moi je sais conduire, mais genre si. Enfin, j'ai pas le permis, donc je sais m'en sortir. J'ai déjà conduit pour quelques potes en étant bourré, vous avez tous fait ça. Le truc, c'est que, genre, pour une course poursuite, par contre, comptez pas sur moi. Hein. C'est une différence entre conduire bourré pour rentrer chez soi quand il y a personne sur la route et conduire avec des filles couchées. En fait, le truc, c'est que si moi je conduis, genre. Du coup, si je reste, il y a pas vraiment de filles. Bah, après tout va dépendre. Mais au pire, il y a trois mecs aux F, hein. Pardon, excusez-moi, monsieur. Ouais, ça va. Osef, c'est un code entre nous pour dire très personne très importante qui n'est pas d'équipe. C'est optimisable suffisamment, évidemment, de manière frauduleuse. C'est je rame pour expliquer que je dis une connerie. Ce que je veux dire, c'est que genre nous on est en coopération avec du coup ces cinq personnes. Deux d'entre eux vont faire le devant. devant et on peut mettre un chauffeur. On met GS pour le principal, un chauffeur là. Et, parce que dans l'équipe, parce que est-ce que personne d'autre à part GS se sent prêt à. Est-ce que les gens qu'on ne connaît pas, enfin l'équipe, voilà, est-ce que parmi eux il y a des bons chauffeurs? Ils se considèrent tous aptes à faire le boulot. Ok, cool. Après, va savoir. Dans ce cas-là, Jess tu vas prendre le van, la fourgonnette principale, ouais. Et il y aura un mec de chaque dans les autres. Parfait. En passant, je prends pas mes chiens, MJ. Okay. Ouais, non, idée, ça va être compliqué après, mais ouais, c'est ils vont courir après la voiture. Bah, du coup, ouais, voilà, ce qu'on fera, c'est que on fait le trou. Enfin, après, voilà, si les choses se passent bien, on n'aura même pas besoin de se partir dans des courses-poursuites. Hein. Après, bon, il y a de grandes chances que ça se passe mal, je sais pas pourquoi, mais bon, mais voilà. Donc après nous on sort du véhicule, on monte dans un autre et après c'est Jess. Mais Jess du coup à la limite tu prends le volant dès le début en fait. Tu nous emmènes directement contre le mur et c'est nous qui allons changer de véhicule. Toi tu restes au même endroit. Jess. Ça me semble logique. Moi oui. Mais... Tout le monde. Plutôt que genre faire un qui arrive. En plus, Buddy, avec la force qu'il a, il va pouvoir charger le véhicule rapido. Hein. Mmh. Ouais. Mais ouais, du coup, dans le doute, si jamais je devais me faire attaquer, je veux bien qu'il soit Fred, Jamie ou Marcel pour m'aider. Et puis, c'est pour tirer à la fenêtre. Et puis, comme ça, moi, je serai tranquille. Ok, attends, je note les noms. C'est Fred, Jamie et Marcel. Et Marcel, voilà. Il manque la petite voix et. je ne sais pas de qui vous parlez, je n'en sais rien. Très bien, d'accord. Encore une émission. Ah ouais. Non, mais c'est une émission qui a buzzé à Gotham une vingtaine d'années. Je regardais ça pour le tourner. Ah oui, d'accord. Ok. Vous êtes tous dans votre camionnette respective. Enfin, dans vos camionnettes respectives. Et vous êtes en train de rentrer donc dans Chinatown, donc ce fameux quartier que vous avez déjà visité à plusieurs reprises. Et comme la dernière fois, les rues semblent, peuplées de certaines personnes qui n'ont pas l'air très sympathiques. Depuis votre attaque du temple en tant que Redwood Gang, disons que... Il y a des membres de gang, ce genre de choses, qui se sont dit on va faire des patrouilles, on va protéger un peu notre communauté. Mm-hmm. Donc en effet, pour ceux qui ont accès à une fenêtre dans le camionnette, vous voyez certains gars avec des tatouages, certains qui se baladent, avec même le flag à la ceinture de manière complètement visible, après tout c'est Gotham City. Petite question, juste on est d'accord, tant qu'on fait pas l'acte criminel, on va pas mettre les tenues avant. Donc là, si nous va passer, on n'a pas les casques, quoi. Mais non, il y a pas les. Ouais. Je pense pas que vous êtes à la fenêtre de la camionnette. Tu fais un signe de la main, salut. Voilà. Non, ouais, c'est histoire d'être sûr hein, qu'on soit pas. mais soyons clairs, il y en a pas un dans chaque rue. Vous remarquez que certains types patrouillent. D'accord. Donc vous traversez le quartier et vous passez pas loin du Dragon Céleste, ce fameux restaurant de Chinatown qui est magnifique, avec des plats incroyables. Ouais, j'avoue. On n'était pas là. Exactement. Et vous vous arrivez tout simplement aux alentours de la Maison Rouge, donc ce petit bordel sympathique. Je précise que Alex, votre cher ami, n'est pas présent. Tant mieux. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais il n'est pas présent sur ce coup-là. Mais il s'est fait défoncer par la patrouille la dernière fois, donc... Oui, c'est vrai qu'on avait mis tôt pour le... Ouais. Ah non, mais moi, je l'ai enfoncé avec, en disant qu'il était allé voir les putes et tout, donc... Ok. Donc il n'est pas avec vous. Donc vous passez devant, enfin vous passez, disons que vous approchez, vous voyez que devant la porte d'entrée, il n'y a pas de garde cette fois, sûrement qu'il est à l'intérieur actuellement. Vu que pour rappel, il y avait un vigile à l'avant. Ouais, ouais. On fait descendre maintenant les deux gus qui vont faire... Non, ou on attend après pour les faire venir. De quoi? C'est une vraie question. Bah, il y a les deux gus qui doivent faire la distraction. On les fait oui. descendre, genre quand on passe devant, bah, on s'arrête vu qu'il n'y a pas de garde et on les laisse partir, ou d'abord on se met dans les ruelles et après on les fait venir. Mais normalement, on en parle avant, mais j'y pense là parce que... Allez, réponse rapide. Vous avez 5 secondes, sinon vous ne les déposez pas. Non. Oui. Ouais, ils peuvent y aller. Okay. Très bien. Donc, ils y vont de leur côté, tandis que vous... tandis que le van principal s'installe dans sa petite ruelle. Pour indication, pour ceux qui ne l'auraient pas déduit par rapport au plan, comme vous le voyez en regardant l'étage, cette ruelle a un toit, vu qu'il y a l'étage au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ah oui. C'était juste une précision pour ceux qui ne l'auraient pas. Oui, il faut imaginer qu'on le voit pas en fait, entre le garage et le hall, si on le voit du dessus, on le verrait pas. Ouais. Si on voit du ciel, il y a un toit. Ouais. C'est ça, voilà. Ok. Donc, la camionnette principale s'engouffre à l'intérieur, à reculons, j'imagine. Oui, en marche arrière, oui, et bien se coller. À la cuisine. Donc, vous vous installez. Putain, on dirait que c'est un truc super sympa. Vous installez. La camionnette se met en place. Les deux autres camionnettes ne sont pas loin. Et vous descendez les uns après les autres, j'imagine. Thompson qui se met au boulot. En fait, moi, ce que je fais, c'est que quand la camionnette est collée au mur, en fait le cul de la camionnette est collé au mur, l'arrière en fait c'est un panneau roulant, tu sais, une porte coulissante là. Donc j'ouvre la porte coulissante et en fait quand j'ouvre, j'ai le mur en face de moi en fait. En fait je suis collé au mur en fait. D'accord, et, ok. Et via l'arrière du truc, j'ai tout mon matos qui est déjà prêt. Et je prépare mon matos pour attaquer le mur. J'imagine qu'on doit avoir un matériel de communication, chacun tous ensemble, non? Vous avez trop discuté, en effet. Ouais. Du coup, j'aurais juste voulu savoir si on a une idée de la position du gars, si les mecs qui sont descendus, C'est peut-être trop tard, mais j'ai une suggestion, genre, parce que je suppose qu'on a parlé, tu sais, pendant qu'on faisait les plans, tout ça. Mais si jamais on en a parlé, après tu peux me dire non, franchement, il fallait le dire avant. Mais je pense que ça aurait été logique qu'on leur demande, genre, qu'on commence à faire de l'Oswald, activer au Tokiwoki, parce que nous, c'est les débuts qu'on commence, et qu'on est à vue, eux, on les voit pas. Oui, bien sûr, ils vont vous indiquer quand ils commencent à foutre l'Oswald. Voilà, c'est ça, tu vois, genre, eux, ils nous mettent le son, on fait, ah oui, c'est bon, là, ils ont foutu le bordel, après, ils peuvent couper discrètement, et nous, on sait que... Bah voilà, donc, moi, du coup, j'attends de dire que je suis en place, je suis en position, et j'attends leur feu vert pour commencer le boulot, tu vois. Bien sûr. Donc, tu te prépares, toi, Pat, donc, tu es dans le même... avec votre cher ami Buddy, que tu essayes de garder son contrôle, même s'il a pas l'air très agité pour l'instant. Vous recevez rapidement le signal de qui vous dit tout simplement à travers un petit votre petit talkie, on commence. Ok. Donc sûrement qu'ils sont en train de commencer à foutre le sbel devant. D'accord. Bon bah écoute, je me lance. Juste par. Je sais pas si les murs ils sont épais, c'est quelque chose d'assez costaud les murs ou pas? Alors disons que ça a l'air d'être un mur, disons classique, hein, vraiment. Ancien, creux, de la brique. Un mur de HLM. C'est le truc. Ouais, comme c'est les murs extérieurs, je pense que c'est un peu plus solide que les murs intérieurs. Ah ouais, c'est de la concrète quoi. Enfin, c'est. Ouais. C'est du gros bloc de HLM quoi. Oui, non, je pense que si ça avait été un peu moins. J'aurais juste essayé de mettre mon stéthoscope sur le mur, voir si j'entends quelque chose de l'autre côté. Ouais, non, ça va sûrement être beaucoup trop épais. Ouais, j'aurais essayé. Hein. Bah, du coup, je me mets à la tâche, alors, dans ce cas-là, puisqu'il me dit qu'ils ont commencé. Donc, est-ce qu'ils ont déjà un visuel. Je leur demande, est-ce qu'ils ont déjà un visuel sur le mec qui est censé être en bas ou pas? T'as une réponse rapide, c'est pas pour l'instant. Ils sont en train de foutre le sbol, mais ils ont pas le. Pour l'instant, ils ont pas le mec en bas, quoi. Pour l'instant, le type est pas sorti. Du coup, je préfère quand même attendre. Parce que si jamais je commence et que le mec il est dans la cuisine et qu'il commence à se diriger, là. Très bien. Donc j'attends qu'ils aient qu'ils me disent s'ils ont le gars en visuel. Très bien. Les autres qui ne sont pas dans le van qui est censé percer le mur, qu'est-ce que vous faites du coup de votre côté? J'attends le signal, c'est-à-dire que genre tant que, enfin moi personnellement, mais tant que les autres, enfin genre tant qu'ils sont pas en mode c'est bon, on est lancé, le mur est pété, ça je t'attends dans la camionnette en mode allez dès qu'il y a le signal, on fonce et on. Okay. Oui, en gros, moi j'ai le flingue dans la main là, et la main sur la clenche quoi, dès que c'est bon je sors et puis voilà. Ok, donc vous attendez qu'il y ait une brèche pour sortir du véhicule. C'est ça en fait, c'est vraiment là le go de toute l'équipe, c'est quand le trou okay, est fait et après. Ça marche. Donc vous attendez un peu, c'est quelques microsecondes d'attente qui vous semblent assez longs. Il y en a certains qui ont la petite goutte qui descend sur le côté du visage. Il y en a même certains d'entre vous sûrement qui regardent un peu par la fenêtre attentif pour voir s'il n'y a pas d'autres types qui se promènent dans la rue. Et justement, a priori, ça a l'air calme pour l'instant. Et vous avez rapidement le signal de Franck comme quoi le type est sorti. Ok. Donc on est bien d'accord qu'à ce moment-là, quand moi je commence tout ça, je lance le moteur. Je suis déjà en tenue Red Hood. Hein. Parce que je vais percer. Je suis pas. Faut pas que si. Mais comme t'es dans ton camion, de toute façon, on te voit pas de l'extérieur. Donc. Mais oui, mais on verra si oui, non, je perce le trou. Oui, non, c'est pour ça que je dis que c'est une bonne chose parce que même un mec, tu vois, qui passerait dans. Bon, ça serait chelou, mais imagine, il y a un mec qui passe dans la ruelle, il te voit pas, tu vois, en tant que soi, tu vois. Oui. C'est pour donc, toi, ouais, c'est oui. En effet, tu es en tenue. Voilà. Donc, du coup, je commence le boulot. J'avais déjà tout placé et je commence à travailler le mur. Donc, tu commences. Tu commences ton boulot tandis que les autres sûrement se mettent tous plus ou moins en tenue après. Hein, voilà. Il y a encore ce petit temps. Un masque à sa taille. De quoi? Est-ce que Buddy on a trouvé un masque à sa taille? Non, Buddy, on lui a mis un masque de football américain. Enfin, un casque de football américain. Ok. Donc, c'est encore ce petit moment d'attente où Thompson est censé faire son boulot. Toujours certains qui regardent des petits. Enfin, qui jettent des petits coups d'œil dans la rue. A priori, toujours personne ne patrouille. Voilà, tu commences à bien entamer le mur, Thompson. Et. Disons, William. Toi qui es dans un des deux vannes annexes, ouais. Tu vois rapidement par la fenêtre qu'il y a l'air d'avoir un type qui passe dans la rue, hein, le genre de type qui est là pour surveiller le quartier. Je prends un talkie-walkie et y a quelqu'un, arrêtez tout. Coucou, ben, je coupe le moteur du truc pour arrêter le bruit qui pourrait transparaître du van. Très bien. Donc tu t'arrêtes. Il y a le type qui passe dans la rue. Enfin, c'est une longue rue, il est en train de passer. Vous voyez qu'il passe devant l'entrée de la Maison Rouge. Il voit les deux types. Enfin, il a l'air de voir les deux types qui foutent le bordel. Et même s'il a l'air d'avoir son intérêt dessus, il se déplace pas vers eux. A priori, le vigile est déjà sur le coup. Donc il continue à passer. Pour ce jet, toi qui es à l'avant du van principal, tu le vois passer devant la ruelle. Tu vois qu'il regarde un petit coup vers toi. Et il continue à avancer. il continue dans la rue et jusqu'à ce que finalement il soit hors de portée. Donc moi bien sûr je ne vois rien, donc j'attends qu'on me donne le feu vert, hein. Je peux pas deviner si y a plus rien ou pas. Je pense que le feu vert doit venir, tu sais, un des mecs, alors je sais pas qui, dans quel van, mais tu sais qui se trouve de l'autre côté de la rue, dans le van en face. C'est histoire que le mec puisse bien vérifier que le mec soit parti, il reste, c'est bon. MJ. Attends, vous attendez un signal de... Ah oui, d'un des... De l'équipe numéro 2 qui est à l'autre bout du chemin du gars qui vient de passer, en fait. Ok, ok. Bah, vous avez le signal comme quoi il est hors de portée. Ok, bah du coup, je relance la machine. Alors là, je sais pas où j'en suis au niveau de la progression. Tu commences à entamer le mur, disons que t'es confiant quant à la rapidité de la chose. D'accord, bah du coup, je préviens quand même les autres rapidement, c'est en bonne voie pour l'instant, pas de soucis. Ok, t'es en train de commencer le... Enfin, t'es en train de continuer ton boulot. Tandis que, rapidement, dans les taux, vous attendez... Il y en a deux qui viennent de sortir et ils commencent à nous foutre... Enfin, ils viennent nous foutre dehors. Après, pour ceux qui sont dans les vannes encore, vous voyez que les deux types... qui était censé faire les gigolos à l'avant, commence à s'éloigner avec un vigile qui les suit un peu en gueulant. Ok, donc en gros, là, il y a le vigile qui est à l'intérieur qui les accompagne pour les faire dégager, en fait. C'est ça, il est en train de les suivre un peu pour être sûr qu'ils quittent la rue. D'accord, allez, donc coup, en gros, il faut se grouiller pour terminer le boulot. C'est quoi. Ça. Faut que tu te dépêches extrêmement vite parce que là. Bah, du coup, je sais pas où j'en suis. Moi, je fais maintenant. Fais moi, Thompson, un petit jet de. Attends, il faut que je chope ta fiche. Déjà pour voir ce. Fais moi donc un petit jet de. Disons. Bon, c'est pas vraiment ça, mais disons de l'électronique. Électronique ? Ouais, tu as dans connaissance et tu as 50 si je vois bien. 50. Et j'ai pas mon bonus là ? Tu peux jouer ? Oui, tu as ton bonus. Et c'est combien ? Ce qui te donne un score total de 75. Oh, allez, faut pas que je merde là. 72. Très bien, d'accord. Donc tu commences un peu à mettre les gaz, t'essayes de faire ça de manière un peu moins propre, rapidement, pour se dépêcher. Oui. Toi, pendant ce temps, Pat, tu vois que votre cher buddy commence à s'agiter un peu. A priori, il aime pas trop être serré dans ce van. Bah moi, je suis Carl, hein, pendant tout le temps, je papote avec lui et tout, pour essayer d'avoir son bouffe. T'as de la bouffe. Ouais, ouais. Essaye d'avoir son attention, tu lui promets de la bouffe, tu lui parles. Bon, lui, il n'a pas la discussion. C'est vraiment un type un peu simplé. Mais tu vois que le bruit du travail de Thompson le gêne considérablement. S'il commence pas à frapper partout, il n'est pas très tranquille. Pendant ce temps, les autres qui sont encore dans leur van... Vous voyez clairement que les deux types qui sont censés faire les gigolos, bah, ils ont quitté la rue. Ils vous donnent un signal en public qui disent si on revient, ça va partir en bagarre. Donc, ok. On revient seulement quand si ça passe à l'action. Ok. Je vois un message sur le groupe Facebook, on se dépêche. Très bien. Enfin, non, même pas, donc ils vont pas lire, ils ont. Ah bah moi de toute façon Google Facebook je suis en train de bosser un mur hein, donc je suis pas faire attends je regarde mais au moins je stresse en tout cas j'ai besoin de j'imagine que j'aime des petits à-coups contre le volant en mode allez non de toute façon moi il faut bien me des petits moi, coups d'œil dans le rétro c'est ça vous êtes j'ai mon oreillette direct dans le truc parce que je peux pas parler avec le talkie avec le bruit et tout donc c'est direct dans mon oreille et moi il faut me dire j'arrête je continue quoi parce que pour l'instant moi je suis à fond dans mon truc et moi j'en suis au niveau du boulot j'ai fait la moitié trois quarts t'as ouvert une brèche clairement mais pas de quoi passer toi en personne t'es en train de faire quelque chose de bien sympa. T'as eu le temps de regarder un peu par ce brèche, voir s'il y avait des types dans la cuisine. Et t'as vu plus absolument personne. Ok, bon, c'est déjà une bonne chose. Donc du coup, je leur dis déjà, toujours en route, ça se passe pas mal, et personne dans la cuisine. C'est ça, très bien. Quelqu'un a quelque chose à lui dire, ou on sait jamais. Très bien. Donc vous êtes toujours dans l'attente, toujours dans dans ces longues minutes, parce que ça demande quand même un peu de temps, de défoncer un mur comme ça. Qui semble durer des heures. Vous avez l'impression d'être là depuis des années, toujours prêt à vous faire défoncer par le premier type qui passe et qui reconnaîtrait votre visage ou enfin votre masque. Alors après ce que je vois, c'est ce que je voudrais faire, c'est que comme j'ai l'impression, j'imagine qu'ils m'ont dit que les deux s'étaient fait virer. Je vais un peu changer de mon fusil d'épaule et au lieu de découper complètement le mur, je vais l'affaiblir sur une zone et je demanderai à Buddy de juste donner un coup de poing au centre pour, vu qu'il sera affaibli, il va se péter à un endroit, mais sans que ça fasse un boucan de cinglé, parce que comme il sera déjà fragilisé, ça va aller plus vite à l'ouverture. Ok, d'accord. Peux me le faire. Pardon ? Est-ce que tu peux me faire le roleplay des instructions de Buddy ? Ok, Buddy, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un découpage du mur et toi, tu devras frapper au milieu de là où j'ai découpé, pas trop fort, parce que pour pas faire trop de bruit, et donc casser le mur. Mais pas trop fort, hein. S'il te plaît, je veux pas trop de bruit. Et tu te frapperas une fois, si on dit que t'es si puissant que ça, hein, une fois devrait suffire. D'accord ? D'accord, je vois qu'il te regarde un peu avec un regard... Enfin, il te regarde avec un air un peu vide et... Ouais. Il hoche de la tête. D'accord, donc frapper une fois... Pas trop fort au milieu du mur. Voilà. Il a déjà arrêté de t'écouter, il regarde pas de toute façon. D'accord. Voilà, donc du coup, moi je fais mon découpage net pour que ça se découpe en un coup, quoi, quasiment. Hein. Juste il tape, ça tombe et basta, quoi. Ok. Parce que j'ai bien vu qu'on était pressé par le temps et que si d'accord, les deux autres ils se sont fait lourder, on va essayer on fait de. Vous dépêcher. Voilà. Donc voilà. Donc vous êtes en train de. Enfin, tu fais ton boulot, les autres toujours en attente. Et rapidement, tous ceux qui sont pas dans le van principal, vous allez me faire ranger en écoute. Je suis du coup dans le van principal, moi. Oui, je suis dans le van principal. Donc disons que ceux qui sont dans le van principal, je considère. On fait rien. Ouais, ça vous empêche un peu d'écouter. Non. 84 sur 45, c'est une stunt. Monsieur le MJ, je t'ai fait 51 sur 50, je proteste. Non, ça marche pas. Monsieur. En plus, t'as un malus. Ça marchait juste pour 22 et William, j'ai fait pour les gens PNJ. Allez, il y a des bons chez les PNJ. Allez. Et ils étaient juste. Non, oui, 3. Ok. Donc vous attendez un petit moment, puis dans le William, il y a le PNJ, enfin le... Comment il s'appelle déjà ? Marcel le conducteur. Ouais. Qui s'arrête à un moment, enfin qui... Tu le vois William qui dresse un peu l'oreille, il fait... C'est quoi ça ? Et William, justement, tu affines ton ouïe. Ouais. Ton ouïe, toi qui n'étais pas si loin d'entendre déjà à la base, t'avais un petit bourdonnement. Et t'entends que ça a l'air de parler fort dans les environs. Merde. Attends, j'essaie d'écouter, genre parler fort en mode de personnes qui se disputent, un truc du genre. Ça a l'air d'être une seule voix. Et tu ne comprends pas ce qu'il dit parce qu'il est en train de parler chinois, japonais, taïwanais, on sait pas. Quelque chose. Ça a l'air vers où ? Genre lointain, super proche Plutôt proche, disons que... Alors je ne sais pas exactement. Ça a l'air d'être dans les alentours de la Maison Rouge. Si genre je me mets un peu à la fenêtre, tu vois, genre du truc, et que je fais un petit 90 degrés, je vois quelqu'un ou pas du tout? Alors tu regardes, tu sors ta tête. T'avais dit que t'avais mis ton costume toi aussi. Ah ouais, d'accord. Alors tu passes ta tête, histoire de vérifier si tu peux voir le type. Et tu vois qu'en effet il y a le vigile qui est pas exactement devant le parapute, mais disons à mi-chemin entre ce qu'il y a devant le parapute et la rue, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qui est en train de parler dans un talkie-walkie ou dans quelque chose. Et tu vois qu'au moment où tu regardes, il tourne la tête vers toi, il a vu un mouvement. Ok. J'imagine que tu réagis très vite de manière à te ranger dans le véhicule. Non, non, je coucou. Oui, bien sûr, c'est genre, dès que je le vois, genre, je rentre dans le véhicule, je me baisse un peu, tu vois, genre, on est pas là. Et je vais donc, pour cela, te demander un petit jet de... alors, est-ce qu'il y a la capacité de se cacher ou est-ce que je l'ai enlevé, ça? Bah, il y a une discrétion, non? Et pas discrétion. Ouais, discrétion, discrétion. Allez, j'ai 30, j'ai 30. Oh, muné, hein. Ah, 58. Oh, non. Je suis désolé, donc... non, mais en même temps, voilà, on serait dans la saison 1, je jouerais Victor et tout irait bien, mais là, non. Donc, ce qui se passe, simplement, c'est que quand tu vois son mouvement de tête, tu retires la tête, sauf que t'as le haut de ton casque qui tape sur le... Bah, sur un débord de la fenêtre, du coup, t'as ton mouvement qui est un peu gêné quand tu rentres. Je suis son trooper, moi, de Star Wars 4. Et t'entends gueuler... Ah oui, voilà, c'est un peu l'idée. Et t'entends gueuler beaucoup plus fort. Et les gens dans les autres vannes, enfin dans l'autre van, pas le van principal parce qu'il y a toujours le bruit, vous entendez clairement le type qui est en train de gueuler en chinois. Je prends ta clé outil, je crois qu'on est repéré, c'est la merde! Je démarre. Non, je rigole. Tu sais, il démarre, il y a Gossette qui tombe. Du coup, moi j'imagine que j'entends quand il dit ça. Donc je me pousse, j'avais eu le temps de finir le détour au moins de mon mur ou pas? Ah bah disons que... Mon fusil d'épaule, j'ai pas découpé entièrement le mur, j'ai fait un détour. Ouais. Fais-moi un jet d'électronique pour voir où est-ce que ça en est plus. Est-ce que j'ai toujours mon bonus dessus ou pas? Ou c'est... Non, il a été utilisé. Il a été utilisé. 9. 9? Oui. Eh ben t'as bien défoncé le mur en effet. Ça va être très efficace là de ce que Buddy est en train de faire. Bon bah du coup j'écris à Buddy, je vais... Allez Buddy, mets-moi ce coup de poing s'il te plaît. Tu lui dis mets-moi ce coup de poing s'il te plaît? Très bien. Non mais le coup de poing au mur, on est bien d'accord, je vais pas tout expliquer non plus. Il frappe Gossette. Mais alors dans ce cas-là, moi je suis pas... Mais moi, mets le coup de poing dans le mur, évidemment. Moi je suis en poche de boxe en mode, allez tu vas y arriver avec l'éponge et tout. Très bien, très bien. Alors je vais faire juste un petit jet d'intelligence pour notre cher Buddy. Oh non, mais attends, tu vois, je vais pas comprendre. Mais si, mais c'est trop bien, genre il frappe Gossette, il s'écrase contre le mur. C'est trop bien. Donc, tu donnes ces paroles, et au moment où il se redresse, tu sais, t'as un peu cette mauvaise impression. Et tu te dis, oh merde, j'aurais pas dû dire ces mots-là exacts. Oh putain. Mais tu te pousses quand même sur le côté, tu sais, parce que bon, t'es pas con. Ouais. Tout sur le côté, tu vois, il avance. Il regarde droit, tu sais, c'est les yeux du bovin, tu vois, genre, tu sais pas trop où est-ce qu'il regarde. Il avance. Toi, Pat, t'es en train de le boxer et tu remarques, oh merde, ça a un peu dérapé, t'essayes de le calmer, j'imagine. Ouais. Enfin, de le focus sur le mur. Et il arrive. Jack, il y a sa main qui se dirige vers toi comme ça. Coincé, c'est juste la main qui s'approche un peu, qui t'écarte d'un coup. Il te balance vers l'avant du van. Jess, ouais. Tu sens Thompson qui frappe sur ton siège. Ok. Enfin, je me retourne pour voir ce qui se passe. Tu vois que Thompson vient de traverser le véhicule. Mais bon, il est pas KO, hein, c'est juste que t'as eu un peu mal sur le coup, Thompson. Ouais. Et Pat et Thompson et Jess, vous voyez Buddy qui place ses mains en haut dans ce qui est... vous savez, dans les vannes, il y a ces petits trucs en haut où genre il y a la trousse de secours, ce genre de conneries. Ouais. Il place ses mains là et il se soulève avec pour donner un coup de pied. Enfin, avec les deux pieds dans le mur. D'accord. Et Il donne un bon coup de pied, oui. Le mur, il part. Le mur, il part en morceaux. Le van, il avance de quelques... d'une certaine distance, qui se sépare du mur, donc. J'avais dit doucement. Donc, bon, il y a un sacré bruit du mur qui avance. Mais le trou est là. Il va falloir se dépêcher, très rapidement. Je sors. Très bien. Bon, bah, du coup, Jess, tu remets à... Moi, je suis pas KO, je peux parler, là. Ah oui, t'étais pas KO. Bon, bah, Jess, recule, on s'est déplacé du mur. Je recule. Je m'exécute, j'avais déjà allumé le moteur. Du coup, bien, bah, nous, on rentre dedans aussi, hein, puisqu'on est là, donc... Autokeoki, je demande... Du coup, on passe en force, on fait quoi? Bah, venez, le trou est fait. Ok. Bah, du coup, moi, personnellement, je descends du truc, je dis au chauffeur de rester là, et puis, armé, on y va, quoi. Enfin, moi, j'y vais. Vous sortez tous du truc, vous vous dépêchez. Toi, William, comme tu le savais, il y avait le vigile à l'extérieur, et en vous voyant sortir, là, il a lâché son truc. Puisqu'il est là, j'aimerais bien le tirer dessus, parce que vu qu'on normalement, il me voit, je le vois. Non. Oui. Alors, en fait, j'ai pas eu le temps de dire ce que je voulais. En fait, j'attendais le mec Mais toi, t'es... normalement, si t'es pas dans le même van que moi, t'es de l'autre côté. Enfin, après, je sais pas, t'es dans le même... Ouais, t'étais dans l'autre van. Mais j'attendais que le mec arrive pour lui tirer dessus. Oui, mais c'est vrai que pour ça, il est dans la ligne côté. Vous êtes dans la ligne côté. Ouais, il est du côté de William et William l'a... Ok, non, non, okay. Je te laisse. Donc William... Par contre, peut-être de ton côté, t'as peut-être dit... Ouais, c'est William, tu vas me faire un petit jet en arme de poing, oui, avec ton flingue. Wouhou, oui, effectivement, ça marche. Je suis sur le 30 points. Très bien, donc tu vises le type, tu tires. Alors tu le mets à terre, a priori, impossible de savoir si tu viens de le crever, hein, parce que bon... T'es pas un spécialiste, hein, mais bon, c'est ma idée. 22, toi, de ton côté, en sortant du van, attentif, parce que bon, c'est ce genre de type. Attentif, t'entends que de l'autre côté, ça gueule aussi. Mais tu vois pas de type pour l'instant. Sûrement qu'il y a genre l'espèce de milice du quartier qui en approche, quoi. Je rentre où il y a le trou, simplement. Oui, vous précipitez vers le passage. Du coup, bah, nous, on est à l'intérieur avec Pat, alors. Déjà, nous, on est les premiers arrivés à l'intérieur avec Buddy et Pat, pour l'instant. C'est ça, oui. Vous êtes... Il y a Thompson, Pat et Buddy qui sont à l'intérieur. Bah, du coup, moi, j'appelle Buddy. J'y suis-moi. Et on va directement dans l'entrepôt. Donc, dans la cuisine. J'imagine que la cuisine, il n'y avait personne. Sinon, on nous aurait déjà tiré dessus. Ouais. Oui, il n'y a personne dans la du cuisine. Du coup, on file directement au niveau de l'entrepôt. Et je demande à Buddy, là on fait plus dans la dentelle, j'y défonce la porte et on rentre, quoi. D'accord, très bien. Donc j'ai mis mon casque et j'ai mes armes à porter. Oui, tu as tout ce qu'il faut. Donc vous êtes à l'intérieur, vous, tandis que Thompson, tu demandes à Buddy d'aller défoncer la porte, ce qui se fait très volontiers. C'est simple, il donne un grand coup dans la porte, qui, pour rappel donc de la dernière... du tour qu'avait fait William pendant le repérage, c'est les grosses portes en ferraille. Donc Buddy donne un grand coup de dent, ce qui fait un bon gros bruit métallique, puis un autre, et la porte se défonce. Avec ce bruit, vous êtes sûr que les types savent où vous êtes maintenant. Ah bah, de toute façon... oui, s'il y avait que serait-ce l'ombre d'un doute avant, là, il y est. Oui, voilà. Du coup, dans l'entrepôt, il y a personne pour l'instant, il y a que nous. Ouais, il y a personne et il y a la drogue, tout simplement. Et sous quelle forme elle se présente? Est-ce que c'est sur des palettes? Est-ce que c'est dans des cartons? Est-ce que c'est comment? C'est dans, disons... Oui, c'est dans des espèces de cartons, on va dire. Il a la possibilité d'en prendre plusieurs d'un coup, vu sa la carrure et tout ça, et je pense qu'il peut prendre un bon paquet à lui tout seul, non? C'est possible, oui. Bah, du coup, je lui demande, j'y veux dire, prends-en le plus que tu peux, et tu vas les mettre dans le camion. D'accord, alors 2 minutes. Tu remarques que Buddy, il est pas en train de t'écouter, là, il est en espèce de crise berserk. Et du coup, il regarde partout aux alentours de lui, il est en panique totale, enfin en panique, pas en panique de la peur, mais en panique de l'animal en territoire ennemi. Et il est clairement pas en train de t'écouter pour le coup. Alors, moi, je vais essayer d'attirer son attention du coup. Pat, occupe-toi de lui. Et moi, je vais charger en attendant que Pat il s'occupe de lui, je charge. D'accord. Pat ? Oui. Tu disais, du coup ? Bah moi, je vais attirer son attention. D'accord, donc t'essayes d'attirer son attention, de quelle manière ? J'imagine que... Je vais... Hey, buddy, buddy, écoute-moi. Genre, j'essaie d'avoir un contact physique, je sais pas, je lui tape sur l'épaule, un truc comme ça. Écoute-moi. D'accord. Pour l'instant, on n'est pas en danger, mais il va falloir se dépêcher, d'accord? Il faut que tu charges tout ça dans le camion, le plus vite possible. Tu peux faire ça? Quand tu t'approches, tu donnes ton coup, tu dis ta phrase. Tu vois qu'il s'est retourné violemment. Oui, mais bon, c'est mon copain. Mais dis donc, il t'a pas balayé du bras, quoi. Il Le mec, il te balaye. Il en serait complètement capable, mais disons que là, il l'a pas fait. Et il essaye de t'écouter un peu, parce qu'il sait que ta personne incarne la nourriture. Du coup, ça peut être mal interprété, ça. Il essaie de se concentrer sur ce que tu dis. Tu vois qu'il a du mal quand même, mais il a toujours son regard beau. Et il essaye de rester à côté de toi. Enfin, il essaye de rester à côté de toi plutôt que partir. Bah, je prends un carton, je lui dis de faire comme moi. D'accord, donc tu prends un carton. J'ai guère, en principe, c'est dans le gène. Ouais, il essaye de. Enfin, il s'approche. Les autres, vous êtes arrivés au niveau de l'ouverture. Vous passez par l'ouverture William 22, c'est tout, tout simplement. William 22, vous passez. Et vous entendez rapidement que sur votre gauche, en entrant, c'est-à-dire vers le hall, enfin vers la porte du hall, quoi, il y a l'air d'avoir une femme qui est en train de... En train de gueuler des instructions. Vous avez entendu cette fois, oui. Oui. Très bien. Oui. Et Oui. Et William, tu entends aussi que du côté de l'entrepôt, il y a l'air d'avoir des engueulades aussi. Ce que Pat, Thompson et peut-être Buddy, mais on ne sait pas, entendent aussi. Ça a l'air de venir du garage. Oula, répète, s'il te plaît. Il y a du bruit qui a l'air de venir du garage. On est bien d'accord que les deux gars qui avaient foutu le bordel en haut, ils sont du coup, comme c'est parti, ils ont dû revenir là. Parce que ça a tiré. Ouais, ils sont sûrement en train de revenir en effet. D'accord, donc ils vont arriver par quel côté ? Par le garage ou par le hall ? Bonne question. Tu peux prendre le temps de leur demander ce qu'ils veulent faire ou... Je pense qu'on est passé. Ouais, non, c'est pour ça, mais c'était juste par... Bah disons qu'ils vont, ils vont faire au plus vite, donc au mieux. D'accord. Après, si j'entends des bruits dans le garage, je laisse mon carton dans la cuisine, je les autres le prennent et je vais commencer à barricader la porte. Hein. Moi, j'essaie de... Enfin, genre, je pense qu'il y a encore pas suffisamment de place, j'essaie d'aller au plus vite. Genre de prendre les premiers cartons qui passent et de charger pour faire fini plus rapidement possible. D'accord. On est bien d'accord que la porte qui va de l'entrepôt au garage est aussi une porte en fer assez costaud quand même. Oui, c'est de la porte en ferraille bien. Bien costaud. Bon là l'autre, Buddy, il l'a défoncé parce que c'est un Golgoth sur humain, mais normalement les mecs qui sont pas dans le garage, ils vont pas la défoncer comme ça quoi normalement. Ouais sûrement pas non. Ok, d'accord. Peut-être qu'ils ont les clés quoi, parce qu'ils sont là de base. C'est possible aussi. Oui, mais après si tu la bloques ou si tu fais en sorte qu'elle soit inutilisable, hein, tu sais, genre péter le mécanisme d'ouverture, autre comme ça, tu vois. Non, mais je fous une chaise sous la poignée, ça devrait le faire. Hein. Pat, t'essayes de barricader la porte qui mène de l'entrepôt au garage. En essayant de décaler un meuble dessus ou un truc comme ça, quoi, tu fais au mieux. Fais-moi un petit jet. Bon, c'est pas un jet pour savoir si tu trébuches sur la chaise, hein, t'inquiète pas. C'est juste. Dis-moi un petit jet de. Écoute, fais-moi un jet de constitution. On va faire aller au plus simple. C'est sur 20, enfin c'est un des 20. Ah, un des 20. Ouais, c'est un. 50 fichiers. 4. Donc tu te dépêches de déplacer les meubles le plus rapidement possible, tu fais en sorte que ce soit bien solide pour déplacer. T'entends déjà que ça a essayé d'ouvrir la porte. Bah je cale une chaise à la Batman sinon. Ah oui, t'es en train de caler la porte quoi, t'as juste entendu que ça a essayé d'ouvrir au moment où tu posais les meubles, mais tu as bien fait le boulot a priori, pour l'instant ça ouvre pas. Du côté des deux autres, William et 22, qu'est-ce que vous faites de votre côté? Moi je... Toujours avec les cartons? Ouais, genre j'essaie vraiment d'être limite en mode, tu sais, travailler à la chaîne, tu sais, sur les ouais. à l'époque, là, sur les trucs où on balance les cartons. On les fait glisser au sol. Possible. On fait à la paille. Ouais. Hein. Est-ce que le sol est glissant? Parce que limite il y a moyen de les faire glisser dans la cuisine. Non, le sol c'est du béton quoi, juste. Oh, puis mais à la limite, par contre, ça serait super intéressant qu'on fasse une chaîne et qu'on se balance les cartons. Je pense que ça pourrait peut-être aller plus vite que si on fait des allers-retours. Je sais pas, mais. En fait, le truc là, c'est. William, employé chez FedEx depuis. Ah, de ouf! En gros, moi j'attends que les cartons sortent. J'ai un peu mon arme de sortie pour que j'aille pousser les cartons. Ok. Jess, de ton côté, toi qui es à l'extérieur. Ouais, toujours fait un petit coup d'œil dans le rétro. Ouais, bien sûr, t'essayes de voir un peu ce qui se passe, mais le trou est pas parfaitement fait pour que tu puisses voir. Hein. Je mets sous pression, ouais. Mais toi qui es à l'extérieur, tu entends très clairement qu'il y a des tirs à l'extérieur. En situant ça dans l'espace, tu sais que ça vient de l'entrée de la maison rouge, sûrement que les deux types, enfin vos deux gigolos, se sont réapprochés et que ça a commencé à lancer une bataille. Ok. Bon, j'imagine que vous les entendez aussi. Oui, ils les entendent, disons moins clairement et qu'ils sont plus occupés avec leur machin, mais voilà. Ok. Dépêchez-vous, les gars. Ok. Mais on se dépêche. Du coup, il en est où, Buddy, là? Il a repris le boulot ou il est toujours en mode je sais pas quoi faire? Buddy, il a essayé de prendre. Il a pris des cartons et il a fait l'aller-retour, mais disons que bon. Il est pas retour avec le carton. On devait remplir une voiture, c'est bien ça. Hein. Ouais. Donc là, avec le van, on est large en fait, on est obligé de tout remplir. Oui, totalement. Ah oui, vous êtes en train de faire ça rapidement. Il en reste beaucoup ou pas là? Parce que, enfin, genre, moi, depuis tout à l'heure, je pense que c'est des caisses. Disons que ça s'est passé extrêmement rapidement, vous avez pas fait tant que ça entre temps. Ah, il faut le voir vraiment en mode ça, que ça s'enchaîne. Est-ce que Buddy, on arrive à le charger, genre. Et mets tes bras comme ça et tu sais, tu lui poses les cartons sur lui et le gars il fait allez vas-y va poser dans non, le non non dans l'action ça a l'air un peu trop compliqué pour lui comme instruction. Oh putain mais moi personnellement je balance les caisses maintenant, enfin genre vu qu'il y a des coups de feu tout ça, genre je prends la caisse et je balance. Ah oui, t'es en train de on les entrepose pas tranquillement dedans, mais vous inquiétez pas, je prends en compte le fait que vous êtes en rapide. Donc vous dépêchez, Pat, t'entends que ça frappe plus du côté de la porte du garage. Cependant, ce que les autres entendent, c'est qu'il y a du bruit qui vient clairement du hall, ils sont en train de passer la porte de la cuisine. Putain, ils font chier ! Là, ils sont rentrés dans la cuisine, là ? Ils sont en train de l'ouvrir, disons qu'ils... Alors, on va faire un petit jet rapidement. 22, toi qui attendais qu'il y ait un type qui se pointe. Et Thompson qui est juste en train de faire un aller-retour avec une caisse. Enfin, avec un carton. Ouais. Vous voyez qu'il y a deux types qui sont en train de passer la porte. Qui passent du hall jusqu'à la cuisine, quoi. Je tire 3 à 4 fois. Très bien. Fais-moi un petit jet d'armes de poing, s'il te plaît. Arme de poing, c'est sur 100. C'est un test. 5. 5 à... Non, d'accord. 5 sur 30. Très bien, pas mal. Donc, tu pointes ton... Enfin, t'avais déjà le point de flinguer, tu les vises, tu tires 3 à 4 fois, bam bam bam bam. Il y a un type qui tombe au sol, l'autre, il s'est jeté derrière une espèce de... Tu sais, les longues tables de cuisine où les mecs, ils cuisinent avec leur machin. Okay. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il s'est jeté derrière. Tu penses que tu l'as touché, mais tu es sûr qu'il est toujours en état de combattre. Ok. L'autre, non. L'autre, en tout cas, il est à terre. Okay. Oh là là. Il reste beaucoup de... Parce que quand on avait fait le tour, tu nous avais dit qu'il n'y avait pas énormément de drogue non plus, tu vois. Au total, il y a de quoi remplir une voiture. Enfin, le coffre d'une voiture. Là, vous avez la bonne moitié, voire trois quarts. Du coup, là, on est bien d'accord que le gars, il vient, il y en a un qui est tombé, il y en a un qui est caché, derrière une table, qui s'est planqué mais qui a dû être touché, donc un peu blessé. Donc j'imagine qu'il va pas sortir sa tête tout de suite comme ça parce qu'il doit voir qu'on est beaucoup et que et qu'il est tout seul. Sinon la porte là, elle est ouverte ou elle est fermée, la porte de la cuisine maintenant là, Oui, elle est ouverte. Hall. Elle est ouverte. Balance Buddy. Non, sinon je dis Buddy, va défoncer le mec derrière la table là-bas. Ouais, c'est ça, bah, et vu qu'il veut que taper, ça il comprend. Taper Jean. Taper Jean table. Tu vois qu'il te regarde. Et puis il regarde dans la direction du slip. Il se propulse, il fait des sauts, des espèces de sauts qui passent par-dessus les tables. C'est un petit chat. Non, c'est pas ce genre de saut qu'il faut imaginer. C'est le genre de saut qui fait trembler le sol. C'est plus une espèce de saut. Et il saisit une table au passage. Et tu voyais qu'il défonce l'autre table derrière lequel est passé le type. Ouais. Et sûrement le type avec, mais disons qu'il est en mode destruction du mobilier. D'accord. Du coup, je demande à... La porte qui va du hall à la cuisine, c'est une porte en bois, c'est une porte en fer, c'est quoi? Attends, la porte de quoi? Qui du hall vers la cuisine, celle qui est ouverte, ah, elle est en fer. C'est elle est une... Celle-là, c'est une porte en ferraille aussi. Toutes les portes étaient en ferraille. Ok, ben bah, je demande à si j'ai plus son nom, à 22 d'aller la fermer, essayer de la bloquer au le plus rapidement possible. Vous pour que d'autres n'en viennent pas. Si je trouve rien, je reste toujours à viser quelqu'un. Tu peux me répéter ce que t'as dit? En gros, j'essaie de trouver quelque chose. Et si je trouve rien, je reste à viser le truc en attendant que quelqu'un passe. Ah, quelque chose pour bloquer la porte, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc tu cherches ça, voyons voir. Ouais, y a clairement de quoi barricader la porte rapidement. Ok. Je vais faire un jeu. Fais-moi un petit constitution aussi comme passe, mais disons que c'est pas vraiment ça, mais vous comprenez l'idée. Alors, j'ai fait 9 et j'ai fait une constitution. J'ai 8. Ok, très bien. Donc tu prends le meuble, tu le tires, t'essayes de le foutre devant la porte, t'es pas vraiment sur ton boulot, mais disons que tu penses que ça va aider si tu restes contre, enfin à tenir le meuble, quoi. Ouais. Donc okay, tu t'en sortes de l'autre côté de la porte, t'entends qu'il y a sûrement un gars ou quelqu'un d'autre qui est en train d'essayer de défoncer la porte de son côté, mais ça marche pas trop. Enfin défoncer, de la passer, quoi. Ouais. Du coup, bah nous on continue, hein, avec... Avec les autres, on termine le boulot, donc je sais pas combien de temps ça va prendre encore. Vous dépêchez, là je pense que disons, alors qui c'est qui aura l'honneur de faire ça? Alors vous êtes combien à charger les trucs déjà? Thompson, William et Pat. Pat, ouais. Ok, donc c'est un des trois, mais ça n'existe pas. Si, ok. Deux. Donc c'est le deuxième, c'est-à-dire William, qui a l'honneur de placer le dernier carton dans le véhicule. Enfin, placer. Ouais, enfin de le balancer. Tu sais, il y a le petit ralenti en mode moment fort. C'est ça. Bah, du coup, on sort. Enfin, j'appelle Pat. Je dis Pat, tu t'occupes de Buddy. Nous, on sort. On se casse. Ouais. on sort. J'imagine que j'entends ça. Oui, je m'entends ça. Moi, je vais aller dans le... Là, je peux mettre un peu. Ouais. Je me casse un peu. Et après, d'accord. Je sais pas si le prendre, j'essaie de regarder s'il est passé, et s'il est passé, je sais. D'accord, ok. Donc, tu lâches le truc et tu t'éloignes dans l'idée de barrer avec tout le monde, quoi. Moi, je saute derrière la camionnette et je crie « Buddy, il y a de la pizza qui attend à la maison !» Au cas où, je tiens que moi, je prends le... Enfin, du coup, j'ai dans le van où il y a la marchandise, où il y a Jess, parce que, bah... Vu que les autres vannes vont être utilisées par Buddy ou Thompson. Ouais, nous on change. Enfin, moi je vais dans un des vannes et après je sais pas si Pat tu vas avec Buddy dans un autre ou. Ouais, moi je suis avec les cartons. Okay. Donc là on est d'accord qu'il y a le van de Jess qui part directement avec William dedans, c'est ça? Voilà, juste William et Jess. Jess, William, la drogue. Voilà. Et nous on change, on va dans les autres vannes. Alors est-ce qu'on y va tous les trois dans le même ou on va chacun? Donc en tout cas vous passez la brèche et vous courez vers les vannes, quoi. Voilà, c'est ça, on se barre, quoi. On prend des vannes et puis voilà. Ok, très bien. Ok, donc vous... Tout simplement, ce qui se passe, c'est que 22, donc tu as lâché la... le meuble, tu es en train de courir, tu viens de passer la brèche pour aller vers ton van. Pendant ce temps, Pat, t'as gueulé à Buddy d'arriver. Il a tourné le visage vers toi et il était en train de... Il avait retiré son casque, il était en train de défoncer le crâne de l'autre avec son casque de football américain. Il tourne le regard vers toi et tu vois qu'il commence à se faire tirer dessus par un type qui vient de passer la porte entre le hall et la cuisine. J'avais dit que je tirais à ce moment-là si quelqu'un passait. Il faut... Soit tu vas vers le van, soit tu tires. Disons que géométriquement, tu peux pas tirer comme ça, en mode arc de cercle. Non, mais... Ça serait beaucoup trop facile. Peut-être que je ne sais pas passer par le message. En gros, j'ai dit, dès que je passe l'autre porte, je jette un coup d'œil. Il n'y a pas d'autre porte à passer. Ah merde. Bah, je me suis paumé sur le plan. Donc, ok. Ah oui, la porte que tu tenais, c'était celle entre la cuisine et le hall. Ah. La brèche est dans la cuisine. Ok, d'accord. Ouais, donc. Donc, tu n'es pas là pour tirer, quoi. D'accord, très bien. Donc il est en train de se faire tirer. Il n'y a que Pat alors. Disons que vous êtes tous en train de partir. J'imagine que Pat était un peu en arrière pour essayer de d'appeler Buddy quoi. Le mec qui lui tire dessus, il est dans mon champ de vision. On va faire ça au dé. Écoute. Ouais, il est dans ton champ de vision. Il est dans ton champ de vision, oui en effet. Bah, je tire dessus. Très bien, d'accord. Fais-moi un petit jet d'arme de fond. Je vais te tirer au fusil, là, j'ai compris. Ouais, ok, au fusil, vas-y. Et je rate. Très bien, d'accord. Donc, tu rates, tu donnes un gros coup de fusil dans la direction du missile, puis tu fais sauter une casserole pas loin de lui. Et Buddy, lui qui s'est fait tirer dessus, me disant que bon, ça l'a gêné plus qu'autre chose, hein. Il se retourne vers le type avec le regard sauvage et il court vers lui pour essayer d'aller le fracasser. Alors, ce que j'ai fait, c'était totalement prémédité, c'était un tir de couverture. Exactement. Rapidement, alors que tout le monde est en train de s'éloigner, Pat, il va falloir faire une décision, soit tu dépêches, soit tu restes là pour protéger Buddy. Oh, Buddy peut se démerder, je pense, si le mec est tout seul. Oui, il a l'air bien vénère, Buddy. Est-ce qu'il a un truc évoqué, Buddy? Alors non, et de toute manière, il saurait pas l'utiliser. D'accord. Non, la question, c'est est-ce que Buddy a un cerveau? Moi, je gueule, Buddy, ramène-toi et je pars. Buddy, ok, d'accord. Je gueule, Buddy, ramène-toi! Les croissants! Vous avez rapidement dans le talkie-walkie Franck, donc le type qui faisait le gigolo à l'avant au début, qui vous dit « Putain, dépêchez-vous, il y a les gangs qui se rapprochent !» Oui, bah moi je plonge derrière la cabine. Vous dépêchez, okay, vous rentrez chez le démarrer. Oui, toi t'as déjà démarré, de toute façon t'es parti avec les autres. Ah oui, ok, bah parfait. Enfin, t'es parti, t'es en train de partir quoi. J'ai pas compris, désolé. Moi je dis au mec de démarrer en laissant les portes de derrière ouvertes pour que Buddy monte dedans pendant qu'on démarre, limite. C'est ça, vous partez, vous êtes en train de partir. Pat avec la camionnette qui est la plus en arrière, enfin qui est la plus proche quoi. T'as les portes ouvertes. Tu vois qu'il y a quelques gangs de chinois ou quelque chose qui est dans la rue, qui est en train d'arriver vers un coin, et ils ont de l'arme lourde, hein, des espèces de kalachnikov, ce genre de trucs. Il y en a certains qui tirent dans les airs, d'autres qui sont clairement en train de viser vers les véhicules. Et vous commencez à partir. Rapidement, tu vois qu'il y a Buddy qui est en train de quitter la cuisine, enfin qui est en train de sortir de la ruelle quoi, en course folle. Qui traverse la rue et s'éclate contre l'autre bâtiment qui est en face de la rue. Oh, c'est dans une espèce de dérapage mal maîtrisé. Et tu vois que tu lui gueules dessus, j'imagine, pour qu'il se ramène. Tu lui gueules dessus, t'attires son attention, mais rapidement, les types qui sont en train de tirer lui tirent encore dessus, attirant encore son attention. Mais moi, je vais aussi leur tirer dessus. Ah ouais, essaye de le couvrir, de faire de ton mieux, fais-moi un petit jet de... Tu tires avec quoi, le fusil encore? Ouais, toujours. Bah, ça... Okay. Fusil. 21, ok. Donc tu tires avec ton fusil, tu tires un coup, tu vois que t'as touché un type qui tombe au sol. T'es plutôt bon, hein, parce qu'ils étaient quand même un peu éloignés du truc. Hein. Tu recharges, t'essaies de tirer encore une fois, t'en touches peut-être un deuxième. Mais rapidement, le véhicule est beaucoup trop éloigné, et tu vois Buddy qui est en train de foncer dans la masse de Tiff. C'est ça. Et vous vous éloignez, vous commencez à vous séparer comme prévu, chaque véhicule dans une direction différente dès que c'est possible. Partez rapidement. Donc pour résumer, il y a Jess, William et la drogue. Un véhicule avec Pat. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec Pat parmi vous? Non, moi je suis dans l'autre. Moi. Ok, il y a un autre van avec 22 et Thompson. Alors, j'imagine qu'avec... Alors avec Pat, il y a les deux autres gigolos qui faisaient les gigolos devant, quoi. Très bien. Donc vous êtes en train de partir dans les autres, et on va voir si tout se passe bien pour la suite. Ok. Ok. Les trois vannes, okay. Chacun... Ok. Donc, le van de 22 et Thompson, vous tournez rapidement dans une rue bien qui a l'air bien sympa. Vous voyez que vous êtes que a priori personne vous suit dans votre course poursuite tout seul. D'accord. Donc voilà, vous partez le plus loin possible. Vous quittez le lieu le plus rapidement possible. De ton côté, dans la camionnette de Pat et des deux autres types, Pat, y a toujours les portes ouvertes. Essaye de, enfin tu fermes les portières ou t'es toujours dans l'idée d'attendre Buddy, on sait jamais s'il traverse la rue? Bah non, là apparemment c'est un peu mort, il est trop loin. Donc, a priori, oui. Les portières quand même. Ok, donc tu fermes les portières. T'as eu le temps de voir qu'il y a des types qui ont l'air de se déplacer vers des véhicules. Tu sais pas trop s'ils vont partir en chasse vers toi, mais a priori ils sont bien en idée de partir. Pour l'instant, votre van à vous et celui de William et Jess sont sur la même route parce qu'il n'y a pas encore eu la séparation pour vous. Au moment de la séparation, votre van à Pat, ton van à Pat et aux deux autres part vers, disons, la gauche. Et tu remarques que les véhicules ont l'air de vous suivre à vous. Évidemment. Oui, à toi, Pat. Enfin, aux véhicules de Pat et des deux autres. Est-ce que je peux tenter un jet de conduite pour justement emprunter une rue que personne ne connaît ou soi-disant travaux alors que c'est pas le cas Oui, tu peux faire ça en effet, fais-moi un joli petit jet de conduite. Ok. 41 sur 75, ça marche. Très bien, donc t'es en train d'avancer, toi. Une réussite incroyable, mais voilà. Tu vas à grande vitesse à travers les rues. Il y a un moment où il y aurait un croisement que t'étais. Enfin, un croisement. Il y a un moment où il y a une rue qui tourne que t'étais pas censé prendre parce que le croisement était vraiment beaucoup trop serré. Mmh. Et tu fais une espèce de. de gros dérapage pour passer. En mode. Parce que ça va Fast and Furious. Bien. Tu pars à toute vitesse dans cette rue que jamais quelqu'un de sa esprit aurait pris à cette vitesse. Drift, c'est un sacré drift. Tu vas à toute vitesse. Tu traverses les trucs. Tu vois, vous voyez rapidement en passant, en jetant des coups d'œil quand même par les rues que a priori tout le quartier est un peu en alerte. A priori ils ont un bon sens de la communauté dans le coup. Pour ce qui est du véhicule de Pat, au bout de quelques virages bien négociés, mais beaucoup moins bien négociés que ceux de Jess, vous arrivez a priori sommer des types. Pat, j'imagine que t'as tiré par la fenêtre ou un truc comme ça à un moment quand il se rapprochait trop, ce genre de choses. Bah, c'est les moyens de pas faire trop de bruit, et pas trop attirer, non, quand même. Alors, des bruits, ouais, t'as un fusil, donc non, bah, il y aura quand même des bruits, donc tu le fais pas, ça. Non, je pense pas. Ok, d'accord. Bon, vous avez réussi en tout cas à vous en débarrasser pour l'instant. Du côté de Jess et de William encore, vous êtes en train d'avancer. Toi, William, t'es toujours à l'arrière parce que t'es rentré vite fait, t'essayes de tenir la drogue en place qui est en train de se balancer de chaque côté. C'est limite t'es en train de nager dans les cartons et de faire balancer du passage. Peur. Oh, ça, c'est genre moi je tombe dedans, puis je. Oh, c'est ça, c'est l'idée. Tu vois, William, si t'avais accès à une fenêtre pour voir ce qui se passe, je pense que tu serais mal par rapport à la conduite de Jess. Tu vois, tu t'aurais peur pour ta vie. Je suis en train de. C'est ça. Et juste laissez-moi 2 microsecondes. Et. Vous quittez Chinatown rapidement, hein, chacun dans une direction. si ce n'est que en quittant, attention, ça va être le G du sauvetage ou non. C'est le G du sauvetage ou non. Rapidement, Jess et William, pendant que vous quittez Chinatown, vous voyez qu'il y a un véhicule qui a l'air de vous avoir vu bien passer à distance et qui vous suit rapidement. Est-ce que moi je peux, à la limite, alors ça va être chaud de pas faire une ou deux pièces en route, mais quand même d'ouvrir un peu le truc, donc c'est un petit slide, et tirer un peu pour genre si la voiture nous suit, bah, un mec qui tire dessus, généralement ça fait peur, tu vois, tu dévies un peu. C'est négociable en effet. Comment tu le vois? Genre juste t'ouvres et tu tires dans le truc. Alors, j'ouvre pas à fond parce que je vais tomber. Genre celle j'ouvre genre facile 20 cm tu vois. Juste histoire de pouvoir mettre mon bras et tirer. Et okay. Peut-être 25 pour que je mette un peu mon œil pour voir où je tire. En mode allongé en fait, sur le sol. De pas. En fait je suis debout, je slide un peu la porte. J'ouvre pas trop pour éviter qu'il y a toutes les caisses qui tombent, parce que bah c'est bon, ça va être un peu en premier coup de frein c'est fini, on a pas toutes les cargaisons, donc j'ouvre un peu et on passe mon bras à l'extérieur du tir sur la voiture pour me tuer. D'accord, ok. Dans tout le truc, fais-moi un petit jet d'armes de poing pour moi. Oh, je crois que ça passe. Attends, j'ai combien? Faut vérifier. J'ai fait. Du coup, 22, ça passe. Très bien. Attends, tu sors ton flingue, tu tires. Enfin, tu sors ton flingue, enfin, tu tires. De quoi? J'ai fait 32, pardon, ça passe quand même. Ah, d'accord, j'ai cru que tu me disais que ça passait pas. Ça, moi, je te faisais confiance. Donc, tu sors ton bras du véhicule pour tirer. T'essayes de les gêner un maximum parce que bon t'es pas un tireur, c'est quasiment une des premières fois que tu touches à les armes. Genre une balle dans la tête du chauffeur et ah Jésus, c'est juste faire hey les gars je vous tire dessus, ah ah, et comme ça tu vois, c'est. Eh oui, tu vois que ça a l'air plutôt efficace, il essaye d'éviter le véhicule. Enfin le véhicule. Il essaye d'éviter de se faire trouver quoi. Du côté de 22 et Thompson. À la manière de Jess et William, un véhicule là aussi vous croise. Et se met à votre poursuite immédiate. Pendant que vous quittez Chinatown. Là, vous venez de quitter en gros le quartier chinois. Ok. Ok, je me ramène dans le. On se dirige vers le vieux Gotham. Ok, d'accord. Non, tu t'as bien dit Jess aussi. De toute façon, on est tous. Oui. Oui, vous vous êtes séparés. Disons que Jess est poursuivi aussi, et 22 et Thompson aussi. Ah, à la manière de Jess et William, nous aussi on est poursuivis. C'est ça. Donc vous êtes deux. C'est ça. Vous êtes deux vannes en gros et poursuivis. Deux vannes. Je vais tenter pareil de demander un endroit où il n'y aurait pas trop de circulation pour tenter de les semer sur une. On est suivi par quel type de véhicule? Plutôt par un véhicule de type civil, quoi, c'est le truc classique. Ouais, du coup, c'est un truc qui va quand même plus vite qu'un van. Donc, ouais, je peux pas essayer de se sur la vitesse. Ouais, déjà, tu le tires dessus, ça c'est pas mal. Limite, dans ce cas, je vais éviter de passer devant un commissariat, tu vois, où je vais essayer de me rendre dans les coins un peu. C'est Gotham. Hein. Commissariat avec moi qui tire à l'arrêt. Ouais, c'est ça, tu vois. Non, mais tout va bien. Mais du coup, ouais, je sais pas si. Est-ce que, tiens, je peux faire un petit jet pour savoir s'il n'y a pas un événement, même un jet, il y a 10% de probabilité, genre, je sais pas moi, le tour de Gotham à vélo, genre. Allez, fais-moi un petit jet de chance, hein, parce que j'aime bien l'idée. Ouais, ok, parfait. Alors, j'ai de chance. Ouais, j'ai 10. Hein. 8. Bon, ça 8. Passe. Après, c'est pas une grande réussite, donc j'imagine que ce sera pas ouf, mais bon. C'est super bien, quand même. Ok, d'accord. Donc, bah, tout simplement, tu te souviens, en effet, qu'il y a un espèce de petit concours cycliste dans le coin. Et tu sais que ça va passer par là, donc tu tournes un moment et le véhicule te suit. Tu traverses le truc. Est-ce que je dois jouer un jet de conduite aussi pour voir si j'arrive à... Ouais, fais-moi un petit jet de conduite. Sinon j'ai l'impression que je le vole là. C'est pour ma conscience. 5 putain. 175. Ok, alors, ce qui se passe exactement. Ouais. Je vais te dire ce qui se passe. Pour une fois que je fais un bon jet au moment. T'arrives avec ta camionnette. Tu vois, t'as le tournant, et tu sais qu'à ce tournant, après, tu rentres sur le circuit des vélos. Enfin, tu fais le tournoi. Derrière toi, tu vois qu'il y a les vélos qui viennent, d'arriver. Qui sont derrière toi. Et tu t'avances et tu traverses la ligne d'arrivée. Donc tu déchires le truc de ligne d'arrivée. Oui, on est premier. Avec moi qui tire à l'arrière. C'est ça. Et tu reprends un autre tournant pour rapidement quitter ce truc. Je sais pas si la camionnette derrière elle va s'arrêter ou si elle va écraser les vélos, mais dans tous les cas c'est marrant. Rapidement, toi William qui est à l'arrière, t'as vu donc ce mouvement, t'as eu peur pour ta vie, t'as la porte qui s'est grande ouverte au moment où elle a tourné, et tu l'as refermée, enfin t'as essayé de la refermer pour pas que la drogue parte. T'as vu que t'as le véhicule qui vous suit, qui est rentré dans les cyclistes, qui en a bien fait voler 3 ou 4 et qui en a emporté 5 autres. Et qui, plutôt que de prendre le tournant comme Jess, rentre dans le mur avec les cyclistes à l'avant. Oh putain. Oh je me casse-poil en mode bonne année. Bon, j'imagine que du coup la priorité des gens ce sera de s'occuper des blessés, j'en profite pour essayer de nouveau tourner genre dans une ruelle à la con. Genre c'est quitte ça. À défoncer des tentes ou des caisses, enfin genre tu vois qui était placé là, je sais pas trop ce qui est organisé. Ouais, non, là, peux... je pense que les gens sont choqués. Pas faire gaffe. Ouais mais bon, vu qu'on est sur un événement, tu sais, il peut y avoir des flics, des trucs qui patrouillent, faudrait... Ah oui, c'est pas faux, c'est vrai. Donc oui, du coup, là, je veux direct essayer de les ressemer à nouveau et puis de passer sous un petit tunnel, machin, manger... Donc, tu rentres dans un petit passage dont t'as le secret en tant que grande pilote, voilà. Grande pilote, tu vois, t'as l'œil pour voir les passages qui sont prometteurs. Ah ouais, mais là clairement, c'est jouissif hein, pour moi, c'est ce moment, en tant que personne. Genre, c'est exactement les trucs que je voulais revivre en tournant à Gotham. Hein. C'est limite si tu pas foutu de la musique à côté, tu vois. C'est ça. C'est William. William, t'entends que Jess allait allumer la radio. Cantor. C'est ça. Pendant ce temps, 22 et Thompson, qui vous aussi, vous êtes poursuivis par un véhicule. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'on soit d'accord. C'est le mec, c'est un mec qu'on connaît. Enfin, c'est un des mecs qui conduit. Oui, il y a un type qui conduit. C'est pas nous, on est à l'arrière. Ouais. Ouais. Et on est plus à Chinatown là. On est plus à Chinatown. Ouais, vous avez quitté Chinatown. Et il y a qu'un seul véhicule qui nous suit. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité, vu que maintenant on est dans des quartiers où on est plus chez nous, hein, en quelque sorte quand même. Mm-hmm. Donc dans des quartiers qui sont dans notre circonscription, de faire appel à des gars de chez nous pour faire un. Non, mais... Pour un on peu bloquer le passage, genre en masse, tu vois, genre boum, on lui a foncé dedans, désolé, tu vois. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah, bah disons que tu peux toujours essayer de contacter un type, mais non, ça va être chaud qu'il trouve votre position vu que vous avancez tout le temps. Et ouais, ça. Vu qu'on avance tout le temps, ouais, c'est pas faux. T'as entendu ce que j'ai dit ou pas? Tu disais 22? En gros, j'ouvre les portes du truc et je commence à massacrer les tirs sur le pare-brise, etc. Ça t'ouvre grande des portières en te tenant en haut et tu sors le flingue pour défoncer le tif. Exactement. Ça, il est en mode Terminator 22. Bon bah écoute, je le fais avec lui, hein, vu qu'on est tous les deux derrière, je bazarde en même temps que lui. Rien que briser le pare-brise, viser le chauffeur, tirer dans les pneus. C'est ça, très bien. Donc vous essayez tous les deux de tirer, je vais vous demander tous les deux jet d'arme 2 points. Et pendant que vous faites votre jet, je vous indique que quand vos portières se sont ouvertes, il y a un type sur le siège passager du véhicule derrière qui sort le haut de son corps par la fenêtre avec une bonne grosse mitrailleuse. Ah. Ben moi c'est pas passé, j'ai 55. Je vais me faire 22 sur 30. 22. Très bien. Je veux un bonus. 22. Alors attends, voyons voir. Est-ce que je te donne ce bonus ou pas ? Moi j'ai de chance. Allez. Alors je te donne le choix, de parce que tu m'avais dit que tu tirais sur le type qui est en train de conduire, je te donne le choix, est-ce que tu veux tirer sur lui ou sur le type avec l'arme ? Le mec avec l'arme. D'accord, très bien. Donc en voyant rapidement l'arme, tu dévies de ton but original, c'était ça le bonus, et tu gardes ta précision totale, et tu le tires dessus, tu vois que tu l'as touché, il lâche son arme et il est en train de pendre sur le... par la portière. Ok, je continue de dire éviter le charge en instant. Pendant ce temps, Thompson, tu tires, tu vois que t'as sûrement tiré quelque part dans la carrosserie, mais bon, ouais. Rien de très ouf. C'est pas dans mon élément, ça. C'est ça. Alors, un petit jet pour le type qui conduit votre véhicule, quand même. Ok, et un petit jet pour le type qui conduit le véhicule derrière. Ok. Donc le type qui conduit votre véhicule, tu vois qu'il commence un peu à galérer sur le coup. Et il y a un moment où il rappe, enfin où il rappe carrément sur le trottoir, hein, il passe sur un type. Et il revient rapidement sur la route avant hein, un poteau qui avait l'air d'être bien ancré dans le sol, le genre de poteau qui vous arrête. Tandis que le type derrière a un contrôle total de la route, même s'il fait des petits zigzags pour éviter vos tirs. Enfin, pour essayer d'éviter de se faire flinguer. Quoi. Bah, du coup, on a le droit de retirer maintenant, là. Ouais, ouais, vous pouvez. Et bah, je retire aussi. Là, je vais faire ça. Très bien, faites-moi tous les deux le jeu. Moi, c'est... je suis toujours aussi mauvais. Ok, et 22. Oh. Je vais pas gueuler parce qu'il est minuit et que mes parents dorment, mais j'ai fait. Très bien. Donc, Thompson, simplement, tu tires encore un coup, cette fois-ci, t'as même pas tiré dans la carrosserie, t'as tiré quelque part dans la rue, quoi. Ouais. Tandis que 22, toi, tu vises le flingue, tu vois. Tu prévois qu'il fasse le zigzag un peu plus vers la gauche au moment où Thompson va tirer. Et directement t'es directement sur le type, pas dans la tête, parce que bon, faut pas exagérer. Ok. Mais tu l'as tiré dessus, tu vois que le véhicule il part carrément sur la droite et il vient rentrer dans la vitrine d'un magasin. Ok, bah, il faut pas fermer les portières. C'est ça. Et rapidement, vous tous, vous éloignez le plus possible, il y en a certains qui sortent de la vie, qui font des allers-retours, ce genre de choses. Et vous êtes, a priori, tous hors de portée des Chinois. Lumière, victoire. C'est parfait. J'aime quand un plan se passe sans accro, c'est ça qu'on dit, non? C'est presque, ça. Presque sans accro. Mais bon, le but buddy, initial on a quand même le but initial est réussi. D'accord, très bien. Hein, on n'a aucun moyen de contacter Buddy. Bah non, il n'avait pas de radio. Bah, j'imagine déjà on va prendre un petit peu de temps en mode changer de véhicule, déplacer la cargaison et tout loger dans un entrepôt. Oui, on va pas se retrouver tout de suite après en mode. Changer des uniformes aussi. Moi je propose de dire au mec de celui qui conduit le van d'aller dans un coin un peu à l'écart de tout et de foutre le feu au van. D'accord, je vais juste demander quelques secondes en privé avec Thompson et 22. Ok. On voit des traîtres, on peut y aller. Ouais, non, ils m'ont dit. Super, les gars. Ouais, ils viennent de me dire qu'en fait ils avaient mis de la fausse drogue dans votre van et ils ont bravo, hein. On a la vraie, on se casse. Allez, donc 22, tu l'as pas mis au courant, c'est ça? Non, je l'ai pas mis au courant, mais. Ok, d'accord. Donc, Thompson, tandis que vous avez carrément semé le type, vous avez passé plusieurs rues, tu vois que 22, simplement. Je vais laisser 22 décrire l'état dans lequel il est. Alors, je suis totalement pas en extase, voilà, mais je suis totalement en train de péter un câble, en train de tirer partout sur les vitrines, etc., où on passe. Tout simplement. Ouais, il est complètement en état de folie. Oh! Punaise. Est-ce que... Du coup, j'ai un moyen... Enfin, là, est-ce que je me rends compte si j'ai un moyen de le raisonner déjà par la parole ou clairement, j'aurais voulu parler, ça se passe à rien. J'ai pas ce qu'a vidé mon chargeur à ce moment-là. Tu peux essayer, Thompson, je te laisse replier ta chose. Du coup, je dis, mais 22, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est bon, là, arrête, y a plus personne maintenant, là. 22! Je regarde Thompson dans les yeux. Oui. Et je me stoppe. Genre, je continue de le regarder d'un air extrêmement malsain. D'accord, très bien. Et j'attends qu'il fasse quelque chose d'autre. D'accord, donc Thompson, tu vois que tu as l'attention de 22. Peut-être une attention que tu voulais pas trop énormément, mais tu as son attention. Écoute, Bah ouais, je vois qu'il a un peu les... clairement il a pété un plomb, il faut le faire redescendre sur terre quoi. Qu'est-ce que je peux lui faire Est-ce qu'une baffe dans la gueule ça va te remettre des idées en place? Mais c'est quoi dans la gueule? Et c'est où ma dans la gueule? D'accord. Bah, ah c'est lutte. Ce serait lutte pour, oui. Pour lui mettre une baffe. Ouais, si tu veux foutre une baffe, je dirais que ce serait... Enfin, une baffe. Oui, lutte, on va dire. Parce que après, moi, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Persuasion. Pour essayer de le remettre... Si tu veux lui donner une baffe, ce sera lutte. Si tu veux essayer de le persuader verbalement, ce sera persuasion, bien sûr. Persuasion, ouais. Non, parce que je regarde les options que j'ai, parce que je, même si c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, normalement, j'ai peu de temps pour le faire en vrai, mais je regarde, comme je j'ai pas encore conscience de tout ce que j'ai comme possibilité. Ouais. On va dire que j'ai plus de chances d'arriver à la lutte, donc en lui mettant une baffe, que... Mais en même temps, est-ce que je me suis rendu compte qu'il avait quasiment vidé son chargeur ou pas? Parce qu'il m'a dit qu'il avait vidé son chargeur. Ah ouais, il a dû tirer en mode clic, clic, clic, clic. Ah d'accord. Et bah du coup oui, il a plus rien dedans, il est terminé ce truc. A priori, ouais. Ouais, bah du coup, est-ce que je peux déjà dans un premier temps fermer le véhicule, genre le rideau, pour pas qu'on soit visible? Oui, tu peux. Est-ce qu'il est toujours ouvert là ou pas? J'imagine qu'il est ouvert s'il tire. Oui, il était ouvert, bah, mais là tu le fermes donc. Je ferme, voilà, je ferme le rideau et du coup je gueule et... Mais ça va pas non! Qu'est-ce qui t'arrive là? T'as pris de la drogue ou quoi là? On va dire que t'es semi-conscient. Hein. Tu t'es shooté, c'est pas possible! Je peux être dans un état de faire un coup de crosse ou pas? Oui, clairement. Ok, je fais un coup de crosse et je saute par le wagon. Enfin, la double porte. Ok, d'accord. Je vais te demander un petit jet de lutte, s'il te plaît, 22. Oui, mort. 50. 50 ? Ouais. Ok, bah fais-moi un petit jet de lutte. 38. Ça passe. 38, d'accord. Donc, Thompson, t'es en train d'engueuler 22 en mode « Qu'est-ce que tu fous, putain ?» Oui, tu disais. Et moi, dans le cas, est-ce que je prends juste le dégât ou j'ai moins moyen d'essayer de contrer ça ou juste je me prends Bah disons que t'étais vraiment pas dans une idée de combat, donc c'est vraiment surprenant, ouais. C'est pas... D'accord. Voilà, donc t'es en train d'engueuler 22 et soudainement il donne un coup de crosse avec son flingue. C'est pas le genre de coup de crosse, c'est qu'il va t'assommer et t'es dans le coma, quoi, mais... C'est juste un coup, hein, Et voilà, c'est le coup et tu le vois qu'il ouvre les portes arrière à nouveau que tu viens de fermer et qu'il saute. Ok. Bah, et du coup, votre véhicule s'éloigne. Je ferme et là je suis un peu hébété, on va dire, je m'attendais pas à ça. Mais est-ce que je me suis rendu compte qu'il était en état de droguer? Enfin, il a dû shooter là, c'est pas possible. Ah bah en tout cas il avait pas l'air dans son état normal, ça c'est sûr. Ouais, donc bah en gros j'en déduis qu'il a dû se prendre un shoot avant d'aller et puis qu'il est parti en trip. Ça a dû c'est possible. En trip. Du coup moi je referme et du coup je discute, enfin j'imagine que à l'arrière du truc il doit y avoir la petite trappe pour discuter avec le chauffeur, c'est genre jour de l'arrière. Ah oui, le type il est en train de gueuler, là on est putain qu'est-ce qui se passe? Je dis ouais, du coup j'ouvre et je dis ouais, t'emmerde pas, il a pété un câble, fonce, on va dans un coin tranquille, on va cramer tout ça, histoire de pas laisser de traces, et on s'en va. Du coup, s'il fait sa vie. Ok, d'accord, mais vous êtes tarés les gars. Ah, et désolé. et tout simplement après tu vous partez, tandis que 22 a disparu dans la circulation. Il a fait une petite roulade dans la rue, je sais pas si c'est bien terminé pour lui ou pas. Mais bon. Très bien. Donc vous êtes tous séparés, enfin vous êtes séparés, les véhicules sont séparés, vous avez laissé les choses, hein, histoire d'être bien tranquille. Parce qu'il y a eu de la baston dans Chinatown, il y a eu des véhicules qui ont défoncé des cyclistes, il y a eu d'autres véhicules qui ont écrasé un type au hasard dans la rue. Ouais, il y a quand même... Il y a eu du grabuge en ville, quoi. Non. Mais quel est dans son plan pour un truc, là, maintenant? Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans une planque ou est-ce que vous êtes tous un peu séparés pour l'instant? Moi, je trouve un endroit où il y a une télé et des infos sur un joint télé local de Gotham, un truc pour savoir si je peux avoir des infos sur... Oui, c'est complètement trouvable, ce genre de choses. Bah voilà, moi je cherchais ça. Si, okay. Parce qu'en général, quand t'as un colosse qui tabasse des mecs avec des mitraillettes dans la rue, c'est du bruit, quoi. C'est ça. Donc, selon les autres, je vais me concentrer sur Pat pour l'instant, vu que c'est celui-là qui m'a dit quelque chose. Mm-hmm. Donc, Pat, toi, tu recherches un coin où tu peux voir la télé rapidement, tu trouves ça facilement, hein, on est à Gotham. Nos problèmes. Et a priori, en Flash News, ça parle beaucoup plus des cyclistes qui se sont fait défoncer. A priori, il y a 6 morts, 3 blessés graves et 1 blessé léger. Et la police essaye actuellement de retrouver les types qui sont partis en folie meurtrière à travers toute la ville. Voilà, qui a priori ce seraient les mêmes qui auraient écrasé un passant quelques quartiers plus loin, enfin quelques pâtés de maison plus loin. Est-ce que Daesh a revendiqué? Pas pour l'instant. En vrai, ça va arriver. C'est possible. Mais a priori, pour l'instant, ça parle pas de Chinatown. A priori, la mort des cyclistes est la plus intéressante que Chinatown. Ouais. Parfait. Après tout, c'est des Chinois. Mais. Ça va sûrement en parler au bout d'un moment. Du coup, moi, de mon côté, j'appelle Jess. Ok. Mm-hmm. Donc, allô. Jess, ouais, salut. Bon, c'est bon, on s'est débarrassé du véhicule. Par contre, il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit souci sur le trajet. 22 a pété les plombs. Je pense qu'il s'est pris un rail de trop. Il m'a frappé. Il a sauté du véhicule. Donc, je sais pas où il est. Quoi ? Il a disparu. J'ai essayé de le raisonner déjà parce qu'il lui tirait sur tout ce qui bougeait. On avait semé les mecs, il y avait plus rien. Il continue à tirer sur les vitrines. J'ai essayé de le raisonner. Bon, à un moment donné, il avait plus de balles, hein, forcément, donc j'ai fermé la porte. Et je sais pas ce qu'il lui a pris. Il m'a mis un coup de crosse dans la gueule et il a sauté du fourgon. Je sais pas où il est, j'avoue, j'ai pas voulu savoir quoi que ce soit, Giron dégage, il se débrouillera tout seul. Une vraie question, tu penses qu'il a juste pété un plomb ou ça devient un danger pour tout le groupe et toute l'organisation, hein? Non, je pense que, vous savez, hein, avec ces histoires de drogue, je pense qu'il a dû se prendre la ligne de trop, il a dû en prendre un peu trop, si vous voyez ce que je veux dire. C'est sûr que ce soit pas un problème pour nous tous, parce que c'est pas qu'on est sur un coup là, mais ça serait le qui nous dénonce. J'ai aucun moyen de savoir où il est, donc ça je pourrais pas te le dire. Donc maintenant il va falloir savoir où. Si on mais il a posté un message lui... sur la conversation Facebook, Discord, hashtag, je sais pas trop quoi, sur notre réseau interne. Ouais, votre réseau du Darknet. Voilà, sur notre réseau de Darknet. Je sais pas s'il va être en état pour répondre pour l'instant. mais il a posté un message lui. Ah, et il a dit quoi? Mais il a juste écrit désolé, je vois ça sur mon téléphone. Mais c'est juste désolé quoi. Rien de plus. Eh ben écoute, voilà, ça y est. On sait pas. Bon, bref, au moins c'est sûr que ce soit pas un danger. Il a dû se rendre compte que, je sais pas, que il avait un peu trop abusé de la coco. Oui, je sais pas quoi. Ça y est, en tout cas, moi j'ai mal au nez. Hein. Putain, il m'a pas loupé l'enfoiré. Très bien. En toute logique, une fois que les choses sont tassées, j'imagine que vous allez mettre là où elle était censée être mise. C'est-à-dire à la vieille maison miteuse, vous avez préparé le plan. Ouais. Donc vous placez ça. Pour ceux qui n'ont pas besoin de revenir, bah, vous revenez pas hein, pour l'instant. Ouais, on est d'accord, enfin genre on va poser la drogue et après on se débarrasse du véhicule. Hein. Oui, vous faites ce qu'il y a à faire, vous inquiétez pas. Je considère pas que vous êtes des nuls qui partez en vacances avec le même véhicule. On ne retrouvera jamais. C'est ça, donc vous faites ce qu'il y a à faire. Et tout simplement, rapidement après, vous êtes recontacté par Marcia. Et elle vous met au courant qu'elle elle sait pour votre réussite. Elle vous félicite. Tous plus ou moins individuellement, vous a pas appelé sur une convo de groupe. Et que la prochaine fois qu'on se croise, bah, vous aurez l'argent qu'elle vous doit pour ce coup, tout simplement. Qui est un sacré paquet. Bah c'est parfait. Très bien. Du coup, j'aurais aussi un truc à faire derrière. Oui. En marge de ça, j'aimerais, si c'est possible, alors peut-être, je sais pas si on est tous ensemble à ce moment-là ou pas, contacter Patrick. Ouais. Et lui faire un peu un topo sur ce qui s'est passé et savoir son retour, le retour qu'il a par rapport à Chinatown et par rapport à comment il s'appelle, putain, j'ai plus son nom là. Aide-moi. Le boss, enfin l'associé maintenant, comment il s'appelle? Ok, d'accord. France, c'est le patron. Mais oui, donc tu appelles Patrick. Voilà. Tu appelles Patrick ou France? Voilà, j'appelle. Il appelle Patrick pour justement avoir le truc de Frost. Donc t'appelles Patrick. En gros, parce que ouais, j'appelle Patrick pour lui raconter un peu ce qui s'est passé, tout ça. Donc t'appelles et ça décroche assez rapidement. Et ouais, allô. Putain. Salut Patrick, comment ça va? Ça va bien. Wouh, strike! Putain, je suis en train de remater la rediffusion de ce qui vient de se passer autour des églises. C'est génial! Ouais, je t'appelle justement pour te faire le topo de ce qu'on a fait aujourd'hui là. Je pense que tu dois être un petit peu au courant, non? Ça a fait un peu de bruit, non? Quoi, c'est vous en plus? c'est pas moi, je pense pas que c'était pas nous, enfin c'était pas moi personnellement, mais c'est un nous, je pense. Oh, vous êtes génial, je vous adore. Ça c'est je suis sûr que c'est du jazz tout craché, ça. Oh, oui. Elle serait bien capable de le faire. Non, bah du coup je viens au rapport de ce qu'on a dû faire par rapport à la planque. Donc okay. est-ce que t'as eu des échos sur Chinatown ou pas? Pas directement pour l'instant. De toute façon, c'est pas moi qui suis en contact avec eux. Hein. Mais de toute façon, pour ce qui est du business, je sais que c'est sécure. France t'a tout prévu. D'accord, bah c'est cool. En tout cas, nous ça s'est bien passé et elle est contente par rapport à ça, donc on continue hein, comme prévu. Ok, très bien, parfait. Putain, vous êtes génial, les gars. Ah bah, si bon, ça te fait plaisir, tant mieux, hein. Bon, je te laisse, j'ai un combat de chien, là. Ok, ça marche. Et raccroche. Bah du coup, je raconte tout ça aux autres, hein. Bon, sauf à 22, puisqu'on sait pas où il est, mais... C'est ça, très tout bien. Ça, je dis à Jess, il a adoré ce que t'as fait. Super. Ah mais vraiment, je pense que là t'as gagné des points. Il va pouvoir acheter des produits. De toute façon, il la drague déjà, donc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Très bien. Donc, enfin. Rapidement, vous passez quelques jours, quelques semaines même, où les choses se tassent bien en ville. Pat, t'as suivi le fil de l'actualité, hein, vu que tu voulais savoir ce qui se passe avec Buddy. Et en effet, ça a parlé de sacrés affrontements dans Chinatown, à travers tout Chinatown, avec des poursuites en véhicule. A priori, ils font le lien avec ce qui s'est passé avec les cyclistes. Mais à aucun moment, ça parle d'un bordel ou d'un colosse ou quoi que ce soit. Ok. Alors, soit l'information a été... Enfin, a été coupée, quoi, ou un truc comme ça. Soit ils n'ont rien vu de ça. Je pense seulement qu'il s'est fait capturer, un truc comme ça, et on va se le reprendre sur la gueule bientôt. Peut-être un jour. Mais bref. Donc c'est ce qui s'est passé. Et chacun d'entre vous, individuellement, avait reçu votre somme d'argent de la part de Martia. Alors je ne vous donne pas de somme pour l'instant, mais entre la partie prochaine, je vous aurai donné ça. Ok. Mais c'est du bon pognon. Parfait. Que moi, normalement, je n'ai pas dépensé de l'argent de la truc avant, donc je devrais avoir quand même une belle somme. Bah moi non plus. Hein. Okay, vous êtes en train de vous faire du bon fric. Ah, c'est cool. On est venu pour ça à base. Et donc, il doit bien s'être passé quelques semaines, peut-être une ou deux, depuis votre coup d'éclat, hein, vraiment, ça s'est presque passé à la perfection. Hein. Mm-hmm. Presque. Et Martia a utilisé tout ce stock de drogue que vous avez récupéré pour copier la formule avec ses propres chimistes. C'est possible aussi. Et disons que son organisation a eu un sacré... Puisque depuis ce truc-là, en quelques semaines, elle est devenue plutôt importante. Hein. Même si elle est toujours rien face aux familles unifiées, hein, bien sûr, parce que bon... Oui, oui. Ils sont là depuis plus longtemps, quoi. C'est un jour particulier aujourd'hui, car Martia, vous avez donné un nouveau rendez-vous, disons, dans la maison miteuse, encore, là où vous devez préparer vos opérations et tout ça. Mais rapidement, Frost vous a contacté, sûrement sur votre truc de groupe ou quelque chose comme ça, pour vous dire que vous avez des choses plus importantes à faire. Alors... Je sais pas qui c'est qui est en train de lécher son micro, mais ça fait du bruit. C'est pas moi. Voilà. Mais c'est vraiment pas moi. Quand même. Très bien. Donc Frost vous a dit que vous avez des choses meilleures à faire. Il vous a donné une adresse et il vous a dit de venir sur votre 31. Oh. Bah, je vais m'acheter un 31 parce que j'en ai pas. Hein. du coup, il faut négocier le fait qu'on peut pas aller voir la boss. Et aller voir notre boss. Mais tu t'en bats les couilles. Ou alors on peut décommander tranquillement sans. Oh bah il vous a juste dit de pas y aller, après vous gérez comme vous voulez. Mais hé, on le fout un bon, on s'en fout d'elle. Non, je suis pas bourré, mais je dis oui, ce que non, je pense. Mais après faut que ce soit quand même propre, tu peux pas lui dire. Elle est censée. On est censé travailler pour mec. Elle, bon. On peut dire qu'on avait un casse personnel à faire. Attends, et qu'on ouais, a engagé, bah voilà, on dit qu'on a une, on a un boulot à terminer, on pourra pas venir aujourd'hui. Ça comme ça, tu vois. Et il faut lui montrer, tu vois, qu'on est distant, tu vois, genre qu'on est pas ses chiens. À un moment, il y en a marre. Hein. Oui, mais faut le dire, quoi, parce que comme ça. Oui, oui, bien sûr. Oui, non, par contre, faut le dire, sinon, mais genre, on l'a peur, voilà. Mais ouais, on a un casse à faire très important. On vous rejoint après, si vous voulez, mais voilà. Combien de temps est dur, je sais pas. On voit ça demain. Allez, bisous. On a un job à terminer. Voilà. On n'est pas obligé de tout lui dire non plus. C'est vrai qu'on peut se la jouer. Bon. Oui, on ouais, est alors. Le Red Hood, officiellement. Non, mais en gros, on a un job à terminer. On vous contacte dès que c'est, ah, oui, très bien. Fini, tu vois, genre. Donc, oui, vous la mettez au courant avec une vague sérieuse. Après, avec les moyens qu'on a, est-ce qu'on la ferait pas surveiller quand même? Pas qu'elle se doute de quelque chose. par qui, par quoi, et est-ce que c'est pas prendre un risque finalement d'avouer ton assassinat? Bah ouais. Après, je pense qu'elle a pas forcément après, de doute sur nous pour genre, l'instant. On a rien laissé paraître qui pourrait être douteux ou quoi que ce soit. Hein. Ouais, mais bon, rappelle-toi ses origines, hein, c'est pas les. Oui, c'est sûr, mais je veux dire, si encore après... on avait fait quelque chose de douteux, mais. Non, là, pour non, mais après, je peux être d'accord de la surveiller, mais dans ce cas, pourquoi la surveiller spécialement ce soir et pas tous les autres soirs? Parce que finalement, elle pourrait avoir des doutes n'importe quand. Oui, c'est vrai. Mais bon. Après, en soi, non, je franchement. D'accord avec la théorie, parce que, bah, en vrai, c'est vrai que on, finalement, on lui fait pas confiance. Que, de toute façon, on n'est pas son allié réellement. J'espère qu'il nous écoute pas. Là, vous entendez, je suis sur la conversation de groupe. C'est oui, vous avez dit. On s'est trompé de conversation. On pense. Non, mais franchement, pour l'instant, je pense qu'on peut se permettre au moins une fois de dire non, on a un job à terminer, on viendra après, ouais, voilà. Et voilà, terminé. Après, on a toujours été là jusqu'à présent, donc c'est bon, elle peut nous excuser un soir. Ah ouais. Bah du coup là enfin pour ma part moi je dis ça et puis bah je suis habillé et prêt à aller voir Frost à sa soirée. Très bien. Moi je tiens à dire c'est la première fois que j'utilise l'argent du braquage pour m'acheter un vrai costard, mais tu vois pas le costard nu que j'avais de comptable acheté 50€ chez CEA et le vrai costard tu vois. Armani. Peut-être pas parce que j'aimerais garder de l'argent mais. Moi je fais la peinture de ma voiture. Tu je peux te payer un Armani quand même, attends, avec... Magnifique. Ah non, mais non, merde, il y a déjà France en costard blanc, j'aimerais pas qu'il croit que... Ouais, non, costard noir, ça ira. Oh l'autre, il veut remplacer le patron, tu sais. Ouais, non, tu vois, je te reviens, costard blanc, t'es classe. Et moi, j'ai un poncho et un chapeau mexicain. Non. Et toi, tu prends une batte de baseball. Non, mais voilà, je me prends un vrai costard, genre, une bonne marque qui m'a coûté 4-5 000 $ maintenant. D'accord, très bien. Vous êtes tous mis sur votre 31 magnifique, le truc le plus magnifique que vous ayez jamais fait. Est-ce qu'on a entendu reparler de 22? Il est toujours là? Il est revenu avec nous ou pas? Alors, il n'était pas avec vous. Enfin, je continue ma relation et tu vas comprendre. D'accord. Il est mort. À peu près. Clairement, quand Sato fait ça, il est mort. C'est pas vrai. Donc, avec ce plan, vous arrivez, disons, en groupe, hein, parce que pour l'occasion, vous n'êtes pas en mode sage. Enfin, vous êtes arrivés tous en groupe, mis à part 22, à cette adresse, qui est un restaurant italien, qui a l'air plutôt bien huppé, hein, le truc bien sympa. Vous arrivez, vous voyez qu'à l'entrée, il y a déjà et Patrick qui sont en train de discuter. Il y a qui? Qui est avec Patrick? 22. Ah, 22, d'accord. Ah, mais il est pas mort. Oh, mais t'as changé, Sato. 22 et Patrick sont en train de discuter. Ok. Est-ce que vous voulez engager directement la discussion avec 22? On sait jamais. Si vous êtes un peu en colère, ce genre de choses, faites ce que vous voulez. Non, bah, enfin, je veux dire, moi je l'ai pas vécu. Moi, non, mais moi je salue. Je suis salut. Les gars. On n'a pas été trahis. Donc, très bien. Donc vous approchez tout simplement. Yo! Il y a Patrick qui arrive vers vous, qui vous serre la main les uns après les autres, qui fait la bise à Jess. Et après il vous fait « Ah, ben vous êtes magnifique ce soir !» Tous. Merci, toi aussi. c'est, il disait ça en regardant Jess, puis après il fait « Tous !» Tous. Et vous remarquez aussi quand même... Enfin, vous êtes plutôt impressionné par Patrick, qui a toujours eu cet air un peu négligé, vous voyez. Mais qui est là bien, bien parfait, tu vois, le type, on dirait qu'il vient de la haute société. Et il vous fait signe simplement, bon, allez-y, rentrez, on est dans le coin VIP. Oh. Ben, on rentre, hein. Ah, bah là, je me sens importante, hein. Très bien. Vous traversez le restaurant italien, là où vous voyez quelques couples et tout ça. Il y a certaines tables qui sont vides, avec des petits papiers dessus avec écrit réservé à tel nom. Vraiment, c'est le truc où tu prends ton rendez-vous 3 ans à l'avance. Tu vois, façon de parler, mais vous comprenez. Vous comprenez l'idée. Bonjour, ouais, ouais, ouais. Pour 2022. Vous traversez ça et il y a, une espèce d'escalier. Et vous montez l'escalier et vous arrivez à un étage du restaurant où il y a une belle table bien sympa avec plein de gars autour. Il doit en avoir 12 ou 13. Bon Frost, qui est dans son joli costard blanc, mais plus blanc que d'habitude. Vraiment, le type, il brille, on dirait. Et il y a Chipolatas aussi avec lui. Les autres types, a priori, vous ne les reconnaissez pas. Vous voyez que parmi eux, il doit y avoir deux ou trois Chinois et d'autres types. What? Il y a Triade. Salut! Salut! Et quand vous entrez, vous voyez que les gens, pour l'instant, ils sont tous un peu en petits groupes. Ils sont pas tous en train de discuter pour l'instant. En voyant arriver, il y a Frost qui se lève et qui vous rejoint. Il y a Chipolatas qui le suit rapidement. Il vous fait ah, magnifique! Salut les gars! Salut! Salut. Très bien. Ça s'est bien passé dernièrement, pas de problème? Ouais, parfait. Oh, ma foi, parfait. Comme sur très bien, magnifique. Ok, bon. J'ai pas pu vous donner plus d'indications que ça par. Enfin, autrement que directement, parce que bon, c'est un moment plutôt important. Les types qu'il y a dans la pièce actuellement, ce sont des gars un peu comme moi, qui sont dans la hiérarchie de leur groupe respectif, mais qui sont pas tout en haut. Ça va être un peu nos petits alliés, on va dire, pour ce qui est de prendre les rênes. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh. Ils sont dans le coup, mais ils sont pas au courant de tout. Ah. De tout, genre, comme qu'est-ce qui peut se passer vers Shanaïton ou... enfin, je dis pas ça très fort, hein, bien entendu. En tout cas, ils sont pas au courant que c'est vous. D'accord, beaucoup dirait. Voilà. Ok. Donc voilà, je vous introduis à la haute société, j'espère que vous êtes heureux, que vous remerciez pour ça. Ah ben, c'est très honoré. Hochement de tête de ma part. Très bien. Et bon, je vous fais confiance, mais soyez sympas, parce que c'est avec eux qu'on va, pour certains, devoir partager le pouvoir une fois qu'on sera en haut. Ça marche. Moi, j'ai mis une cravate. Très bien. Et Frost, tout simplement, après, retourne à table, rapidement. Et vous avez des chaises pour vous. Okay. Donc, vous vous installez. Je m'assois. Oui. Vous vous installez tranquillement. Est-ce que vous voyez que pour l'instant, les gens discutent un peu de trucs entre eux, pas tous en petits groupes, quoi, comme je l'ai dit. Ouais, donc, pour l'instant, la grande discussion n'a pas commencé. Est-ce que vous voulez vous raconter quelque chose? Je fais quand même des signes de tête. Je fais quand même des signes de tête s'il y en a qui regardent dans ma direction, genre un signe de tête de bonsoir, quoi. Genre. Oui, c'est ça. Ouais. Quoi. Vous faites des saluts. Sans forcément parler à l'assistance, mais vraiment genre. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que vous discutez de trucs entre vous? Pour l'instant, vous êtes juste entre vous, quoi, donc. Ben moi je vais m'asseoir à côté de 22. S'il est pas loin. Ouais, oui, vous avez tous été plus ou moins placés à côté. Ok, je le regarde, bon, bien sûr, tout en étant discret, bien sûr, je suis... ça va, toi? Mieux, on va dire. Dis donc, j'ai encore mal au nez, hein. Désolé. Et j'y sens avec un sourire, c'est genre... j'ai compris. Pour qu'ils voient que je lui en tiens pas rigueur, tu vois. Désolé, c'était pas vraiment moi qui contrôlais mon corps. Ah mais j'ai bien compris, t'inquiète. Mais bon, à l'avenir, essaye de... T'es, quand on fait ça. Comment? Bah, à l'avenir, mais essaye de pas en prendre quand on fait ça. Ah, tu comprendras, mais sache que j'en avais pas pris. Ah. Bah écoute, tu m'expliqueras ça la prochaine fois. Je sais pas s'il faut vraiment que tu saches, mais si tu veux. Bah, je pense qu'il vaut mieux qu'on sache un peu les choses pour pas qu'on soit surpris. Ok. Normalement, ça devrait pas arriver. Hein. Ok. Très bien. Donc, finalement, les petites discussions, chacun dans son coin, s'arrêtent à partir du moment où il y a des serveurs qui amènent les plats pour tout le monde. Des plats, vraiment, ça, c'est le restaurant italien du luxe. Hein. Vous avez les plats, il y a certains plats que vous les avez jamais vus, pas dans les films. Et vous, donc, puis il y a les gens qui commencent un peu à discuter entre eux les uns les autres. Bon, vous un peu moins parce que vous êtes nouveau dans le truc. Hein. Mais à un moment, il y a bien un type en face sur la table qui vous demande d'où vous venez, enfin, si vous êtes, enfin, avec qui vous êtes, qui c'est qui vous avez fait. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Moi, je parle de ce que je veux entendre, de bouche, de trucs comme ça, dans tout ce qu'il veut. Ouais, pas de problème. Très bien. Ah bah, oui, oui, Pat, il doit être content en plus hein, en ce moment, vu que lui qui aime bien manger. Et donc, tout le monde commence à discuter. Et puis, arrive le moment donc où la discussion devient un peu plus sérieuse. Ça parle rapidement de la deuxième étape. Vu que, à présent, vu que, comme vous le savez, l'étape 1 était de réunir toutes les grosses familles en une seule mafia, pour ensuite en prendre le contrôle. Prendre le contrôle, c'est l'étape 2. Mmh. Ok. C'est le moment donc où Frost, tout simplement, hausse un peu la voix, et tout simplement dit un peu à toute l'assemblée, « Ok les gars, donc, je sais que vous avez dû payer quelques pots cassés pour que cette stratégie fonctionne. En disant ça, il tourne un peu la tête vers les quelques Chinois qui sont dans l'assemblée. Je sais que vous avez dû un peu, pour certains, jouer le jeu. Je sais que certains ont eu une grosse baisse de bénéfices en ce moment. Ne vous inquiétez pas, moi aussi j'ai une grosse baisse. Actuellement, il y a l'organisation de Falcon, Marcia Falcon, qui a justement repris mon produit, ce qui m'a fait perdre sacrément d'argent. Mais les choses sont sur le bon chemin. À partir de maintenant, nous allons pouvoir commencer l'étape 2. Comme nous en avons déjà discuté, l'étape 2 va être de rendre cette ville complètement accro à notre cam. Le plan, ça va être de mettre notre drogue, une version améliorée de ce qu'a déjà Marcia Falcon. Et croyez-moi, c'est amélioré avec des ingrédients bien sympathiques. Nous allons mettre ça partout, dans les eaux de la ville, dans la nourriture, dans les restaurants, dans les épiceries, partout. Chaque citoyen sera accro à ça, et chaque citoyen sera un client potentiel, un client même assuré. On va se faire un véritable marché parallèle à celui de la mafia. Et une fois qu'on aura assez d'argent, tout ce qu'il faut, assez de gars pour nous, ce sera le moment de l'assaut final. Et on va défoncer ce piaf de pingouin, ce psychopathe de Black Mask, tout ce que vous voulez, ce sera nous en haut après, par la suite. Vous voyez qu'il y a certains gars qui sont en mode, enfin qui ont l'air plutôt contents, hein. Qui sont été plus ou moins rendus confiants par cette discussion. Mais il y en a un autre, enfin certains autres qui n'ont pas l'air très très confiants. Il y a justement un qui, disons, a l'air d'être le mafioso classique, hein, avec les cheveux gominés et ce genre de choses, qui tout simplement se lève de table et essaye de parler un peu plus fort que Frost. Excuse-moi, mon pote, mais dans ton calcul, on en fait quoi de la Falcon? Parce que cette garce, elle est devenue assez importante dernièrement, et si elle se rend compte qu'il y a une nouvelle version du produit, elle va en prendre, elle va essayer d'en revendre aussi, elle va essayer de nous en voler, et techniquement, elle prendra aussi une partie du pouvoir. J'aimerais bien éviter qu'on se retrouve avec une guerre des gangs une fois qu'on aura jeté les boss dehors. Il y a Frost simplement regarde un peu vers vous, puisque vous êtes un peu concerné par ce problème-là. Mais disons de manière discrète, hein, ils vous regardent pas en mode « c'est eux ». Et tout simplement, il avale un peu de salive, il prend un verre d'eau. Il vous fait « ne vous inquiétez pas ». Ne vous inquiétez pas. Le problème Martia et le problème du raid Outgang va être réglé et justement est sûrement en train d'être réglé en ce moment par une autre de mes équipes. Je peux vous assurer que si après ce soir nous avons encore des nouvelles de Martia Falcon, c'est clairement qu'il y a un gros problème, mais je suis confiant envers mon équipe. Donc le tif avec qui je veux gominer, il a l'air d'être conforté dans le plan de Frost. Donc il serait à soi. Frost serait à soi tout simplement, et il vous fait un petit clin d'œil. Et Patrick qui fait deux clins d'œil ensuite en voyant ça parce que il est un peu lourd. Vous voyez qu'il y a tout le monde qui a l'air d'être un peu content de cette discussion. Ça discute un peu de quelques détails. Il y a juste Chipolatas toujours qui lui a toujours l'air d'être dans son coin hein, en train de manger son assiette et de regarder juste sa nourriture. Vous entendez aussi que ça part de certains types qui disent dernièrement. J'ai l'impression que l'étau il s'est resserré, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui se méfient de quelque chose. Putain, d'autres qui disent mais non, c'est ils sont déjà parano de base. Oui, c'est pas qu'ils nous surveillent nous, c'est qu'ils surveillent tout le monde. Et la soirée passe. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez me les dire maintenant. Très bien. Ok, donc la soirée se passe, vous êtes fait un peu, peut-être, disons pas copain-copain, mais vous avez attiré quelques sympathies de certains types. D'ailleurs, Jess, tu as fait forte impression en étant la seule femme dans la pièce. Ok. T'as tous les pervers de... salut. Non, c'est... Je vais peut-être essayer d'écouter un peu aux portes pour voir si j'entendrai pas des nouvelles par rapport à Buddy. Parce que du coup, apparemment, il y a tout le cartel chinois dans la salle et tout. Alors, il n'y a pas le cartel chinois, mais au fil des discussions, on vous comprend que c'est des genres de types qui sont quand même hauts dans la hiérarchie, mais qui sont pas tout en haut, quoi. C'est des califes qui veulent... Enfin non, c'est des vizirs qui veulent être califes à la place du calife. Et oui, par rapport à ton histoire de Buddy, c'est ça, tu voulais écouter et voir s'il y a quelque chose qui se dit? Ouais. T'écoutes. T'essayes d'écouter un peu plus du côté des Chinois, quoi. Et bon, il y a des moments où ils discutent un peu avec tout le monde et ça a l'air de discuter un peu tout et de rien. Il y a des moments où ils parlent en chinois entre eux, donc bon, je pense pas que tu as la capacité de langue chinoise. Non, mais t'arrives à entendre quand même que ouais ça parle bel et bien du coup qu'il y a eu à Chinatown, que c'est un coup qui a quand même bien fait mal, pas forcément au niveau du business et de l'argent à la triade, mais au niveau de la renommée, hein, parce que ça doit bien faire deux ou trois fois qu'ils se font défoncer dans des attaques rapides. Et ça dit tout simplement que actuellement qu'ils ont justement eu un accord avec Frost et d'autres, que les choses ont été faites depuis, mais a priori ça parle pas de Buddy. En tout cas, ils en parlent pas directement. Un mec qui fait 3 mètres, personne n'en parle. En tout cas, ils disent que le truc a été nettoyé, il n'y a aucun problème. Est-ce que on peut savoir si il y a un fan club du Red Hood Gang qui s'est monté dernièrement? Parce que là, honnêtement, on en parle beaucoup, quoi. Donc peut-être qu'il y en a, ils sont là en train de dire « Ouais, c'est trop fort, Red Hood Gang hein. !» bien entendu. Bien entendu, il y a certains sifs oui, qui disent putain, ce Red Hood Gang, c'est pas les espèces de nuls qu'il y a déjà eu qui essayaient de se balader avec une capuche rouge hein. Les anciens, ils ont fait quoi? Ils devaient faire genre un casse et ils disparaissaient. Cela clairement c'est pas des rigolos. Puis un certain qui disent je me demande s'ils sont vraiment à fond avec cette garce ou si on pourrait pas essayer de les engager parce qu'ils ont l'air bien ça, ils ont l'air bien efficaces. Puis il y a des rumeurs, ce genre de choses. Il y en a certains qui disent que c'est des flics infiltrés. Enfin bref, ça part dans tous les sens, hein, ça parle de tout et n'importe ouais, quoi. Ouais, moi j'écoute ça avec un sourire un peu dissimulé, genre ah ça fait du bien d'entendre des trucs sympas. Non, c'est bien. Très bien, très bien. Ouais. Donc la soirée passe, tranquillement. Et finalement, la soirée se termine, les gars partent les uns après les autres, et quand Frost se lève, tout simplement, avec Patrick et Chipolata, il vous fait signe de se lever, de vous lever aussi et de suivre. Mm-hmm. Ben, on suit, hein. Et donc vous quittez le resto... Putain, j'allais dire le resto chinois, il y a beaucoup trop de chinois. Vous quittez le resto italien. Et vous mettez à part dans la rue, quoi. Vous partez pas dans une planque secrète. Ouais. Et Frost vous dit... bon, bah, ça s'est bien passé, a priori. Mm-hmm. Plutôt, ouais. D'après mes prévisions, je pense que ça devrait se faire avant la fin du mois, on devrait être en haut de la chaîne. Ah, okay. C'est plutôt rapide. Ah oui, ça va être une opération coup de poing. Un grand chelem. C'est ça, exactement. Et du coup, je dis, et par rapport à ce que t'as dit pendant la réunion, ouais. Pour ton équipe qui va s'occuper de tout ça, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails par rapport à ça? Oh, ça doit être fait. Ça a dû être déjà fait en ce moment. C'est, j'ai amené mon. J'ai envoyé mon. De Pecno. Vous savez, celle que vous étiez censé être à la base. Ah. Oui, je les ai envoyés, donc a priori, tout va bien. Bon, du coup. Ben, je vous dis bonne soirée, on se retrouve la prochaine fois. Hein ? Oui, bonne soirée. Allez, à plus. Et il y a Patrick qui fait bye bye ! Bisous. Et vous il s'éloigne, et puis après, au fur et à mesure, les uns les autres, vous regardez un peu votre téléphone, et vous voyez que vous avez tous été mitraillés de plein de SMS de Martia. Enfin, il y a plein d'appels manqués, il y a plein de messages en mode « Vous êtes où, putain, au secours, aidez-moi » Aimez-moi ? Non, aidez-moi. Aidez-moi. Ah. Aimez-moi, s'il vous plaît, m'abandonnez pas, je vous aime. Aidez-moi, putain. Et puis vous avez Thompson, toi, le dernier message que tu as reçu, c'est une adresse. Une adresse ? Oui. Tu as reçu une adresse. Pas par elle ou pas quelqu'un d'autre? Oui, par elle. Tous les messages sont par elle. Vous avez été spammé de messages par elle. Mais Thompson, en tout dernier message, t'as reçu une adresse.